J'ai deux fois rêvé du livre de Ginsburg, je vais en dire deux mots. Je vais partir du livre de Ginsburg, mais je voudrais essayer de poser des problèmes dits de méthode, compte tenu de la nature de ce séminaire prospectif sur la fabrication d'un domaine qui demain aura toute légitimité en sciences politiques, qui est le domaine de l'histoire sociale des idées politiques. Label qui évoluera peut-être, qui fera sans doute l'objet de discussions lorsqu'il s'agira éventuellement de rédiger un manuel. Alors, quand on parle de lecture, évidemment, il faut quand même dire deux mots sur les raisons pour lesquelles et les voies par lesquelles j'ai été conduit à lire Ginsburg, parce qu'un un politiste, essentiellement sociologue, même s'il fait de l'histoire, puisque son objet, le communisme, devient de plus en plus un objet historique, n'est pas nécessairement conduit à lire les historiens. Donc c'est un peu bizarre. J'ai relu votre présentation du séminaire, où vous dites, grosso modo, il y a plusieurs façons d'arriver à l'histoire sociale des idées politiques. Je me reconnais personnellement tout à fait dans une façon, c'est-à-dire quelqu'un d'une certaine génération, c'était la génération post-68, qui était fascinée par les idées politiques. Nos lectures de prédilection auxquelles il n'est pas sûr que nous comprenions grand-chose, en tout cas moi, c'était Gramsci, par exemple, qui était très difficile à lire à l'époque. Aujourd'hui, c'est probablement beaucoup plus facile. Althusser et compagnie, c'était des débats sans fin sur des concepts importants, comme si l'appareil de logique d'État, etc. C'était aussi une période de très politique. Je veux dire qu'une bonne partie de ma génération a commencé, vous le rappelez un peu dans votre propos, par un intérêt pour les idéologies politiques qui étaient à la fois intellectuelles, universitaires et politiques, et que dans une certaine mesure, en tout cas moi, mais je crois que je ne suis pas le seul, notre trajectoire en sciences politiques, en sociologie politique, s'est traduite par une sorte de refoulement de se passer d'intérêt pour l'histoire des idées politiques au profit de quelque chose qui nous apparaît, une conversion à la sociologie, à l'histoire, où on s'intéresse à des choses beaucoup moins élevées, comme la prosopographie, les militants ouvriers, le parti politique, etc., etc. Et alors, je suis revenu quand même à l'histoire des idées politiques par un autre biais, une autre voie, ce que j'ai été amené à un moment à travailler sur la lecture. J'ai fait avec Claude Pelliac et Gérard Noget un ouvrage qui s'intitule « Histoire de lecteur » qui a été réédité, dont je considère d'ailleurs qu'il est très discutable sur le plan méthodologique. C'est un ouvrage qui présente de l'intérêt sans doute, mais à certains égards insatisfaisant. Et à l'occasion de ce travail avec Noget et Pelliac, nous avions organisé, c'est toujours important pour ça les séminaires, je laisse rentrer l'adversaire. Oui, dans mon dos, c'est qui ? Nous avions organisé un séminaire qui a duré 3 ans à l'École normale supérieure avec Baudelot d'un côté, qui va d'ailleurs publier ensuite sur la lecture féminine, avec Lyonnais, je ne me souviens plus de son nom, avec aussi Sebel, Bernadette Sebel, qui était responsable de l'Observatoire de la lecture, et pendant 3 ans, on a reçu ceux qui travaillaient sur la lecture. Et c'est par exemple Roger Chartier, Anne-Marie Chartier, Évrard, Lahire, François de Singly, il y avait tout un tas de gens. Et ça a été un moment là, un tournant pour moi en tout cas, pour revenir à l'histoire des idées politiques, parce que j'ai pas le temps de développer, mais ça m'a familiarisé avec les théories de la réception, avec une sociologie de la lecture qui de plus en plus met l'accent sur quelque chose que justement avait vu Ginsburg, qui est tout le problème sur lequel je reviendrai, de l'appropriation des textes, qui est un concept évidemment très important, je conclurai là-dessus, mais qui n'est pas facile de manier. Et donc, tout ça pour dire, c'est peut-être un peu long, mais c'est un peu par hasard. Ensuite, comme prof, j'ai donc monté un cours d'histoire sociale des idées politiques à un moment donné, mais en ayant en fait ce bagage sur la lecture, je me suis dit, tiens là, il y a une façon de revenir à l'histoire des idées qui est plus sociologique, quoi, historienne, matérialiste, pour le dire bêtement comme ça, et qui était possible pour moi. Alors, c'est important parce que il y a d'autres voies d'accès, je crois, à l'histoire sociale des idées. Je vois Samuel Hayat ici, je pense que d'autres viennent en ayant comme bagage intellectuel Kosselec, Skinner, d'autres enjeux de théorie politique ou de philosophie politique. Moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Et peut-être que c'est un des enjeux que de marier ces choses-là. Donc je vais parler un peu, alors ça c'est le premier élément pour expliquer un peu mon intérêt pour l'histoire sociale des idées politiques et pour Ginsburg, que j'ai effectivement lu. Parce que quand on a la chance d'avoir un peu d'expérience pour ce séminaire, j'ai repris mon Ginsburg, je n'ai pas ouvert depuis 20 ans. Et donc, un, j'ai vu qu'il était couvert, et deux, j'ai vu que j'avais des notes jusqu'au bout. Donc, je ne savais plus si je l'avais vraiment lu. Si tant est que dire j'ai vraiment lu quelque chose veut dire grand chose. Je crois que je ne comprenais pas grand chose à l'époque, je ne sais pas si je comprends mieux aujourd'hui, mais bon, c'était quand même assez déroutant. Et puis donc je vais dans ma présentation là, repartir du livre de Ginsburg, pas de l'œuvre de Ginsburg que je ne connais pas. Je suis pas historien, surtout pas historien du VIe, de l'Italie, etc. Pas historien moderniste. Donc dire quelques mots sur le livre lui-même et ce en quoi, à mon avis, le dispositif d'analyse que met en place Ginsburg est un dispositif qui mérite d'être connu, bien sûr, et si possible dupliqué, reproduit, en tout cas qui peut inspirer encore plein de travaux. J'ai plein de questions, c'est un livre que je ne pourrais pas évaluer du point de vue historien, parce que pour ça il faut des compétences d'historien que je n'ai pas, donc je dirais les usages que j'en fais simplement. Et ensuite, je voudrais, ce sera une première idée, je voudrais essayer d'éclairer à la lumière du livre de Ginsburg, au fond, les dispositifs d'analyse qui, en histoire et en sociologie, me semblent s'être stabilisés dans les années 1980. Si on regarde les dates, les fromages et les verres, c'est 1976, traduction française, 1980. 1982, c'est le séminaire Grignon-Passeron, qui sera publié qu'en 89, certes, mais qui circule sous le manteau entre nous, sous forme d'une brochure que j'ai pas retrouvée dans ma bibliothèque, je suis allé chercher, mais c'est un vrai bordel, et donc je sais pas où je l'ai. Alors j'espère que je l'ai pas donné à quelqu'un, parce que ça fait partie des ouvrages, enfin des samis dates de la discipline qu'on aime bien garder, comme l'HDR d'Olivier Schwartz, qui a circulé en étant photocopié entre nous avant d'être partiellement publié par la Vie des Idées. Donc dès 82, ça doit être 83-84 la brochure. Précise peut-être séminaire Gagnon-Passeron. Oui, je vais y revenir tout à l'heure longuement. C'est pour dire que... pour moi, un des auteurs que j'ai un peu plus lu, mais toujours, pas en essayant d'avoir un avis, si j'ose dire, sur le dossier historien, parce qu'il y a des limites à la connerie, quoi. Je m'excuse de dire ça comme ça. Autant je peux éventuellement avoir un avis sur les travaux d'historiens qui travaillent sur le communisme au XXe siècle, en France, etc. Là, je crois que je suis légitime. Autant, très franchement, on va le voir, d'ailleurs, sur ce que dit Ginsburg, laisse un peu perplexe, quoi, laisse un peu quant aux thèses qu'il avance et sur lesquelles j'ai pas vraiment d'avis. Là, peut-être que Déborah en aura sur la philosophie politique de Menocchio. Bon, c'est quand même très mystérieux. Donc, je vais donc présenter Ginsburg et puis indiquer deux dispositifs d'analyse des cultures populaires qui posent évidemment le problème de en quoi ces analyses des cultures populaires, entre guillemets, peuvent être utiles pour penser leur articulation éventuelle avec des pensées politiques, puisque c'est un peu l'objet, si j'ose dire, de votre réflexion et de la mienne, en tout cas aussi par ailleurs. Et c'est quelque chose de très difficile. Donc je ferai d'abord l'histoire. Après le Ginsburg, là je rappellerai ce qui me semble être le dispositif qu'a mis en place Roger Chartier. Et là aussi, c'est même date, c'est dans lecture, Roger Chartier est intervenu à de nombreuses reprises sur la question des cultures populaires, il a fait entre autres l'article sur la culture populaire dans le dictionnaire de Burrière. Donc moi je me sers là de lecteur à lecture dans l'Ancien Régime, où il fait un peu le bilan, et il prend une position très ferme, sur la notion de culture populaire, à laquelle, en ce qui me concerne, j'ai plutôt tendance à adhérer complètement. Et il propose un dispositif d'analyse que je n'ai pas souvent revu et que je rappellerai. Et puis, parallèlement, si je veux dire, donc effectivement, assez curieusement, dans la même période, Grignon et Passeron, dans leur séminaire, proposent eux aussi un dispositif d'analyse du populaire, dans ce livre-là qui s'appelle « Le savant et le populaire », donc qui, en fait, est conçu entre 1982-89. J'ai le sentiment qu'on n'a pas évolué fondamentalement du point de vue des outils, des dispositifs d'analyse depuis cette époque-là. J'ai l'impression que le basculement s'opère donc, grosso modo, dans ces années, fin des années 70, début des années 80. Pourquoi tu te marres, Fabien ? Comme à l'opéra, je faisais un petit salut. Ah, tu le savais, là. Ça, c'est le vieux prof, hein. Moi, je suis sensible à tout, même. Il faut toujours surveiller les élèves. C'est connu. Il faut toujours surveiller les élèves. Bon, donc, je ne sais plus ce que je disais, moi, du coup. Grignon-Passeron, ça n'a pas. Voilà, j'ai le sentiment, mais peut-être que c'est un objet de discussion. Fondamentalement, les cadres d'analyse, les propositions d'analyse n'ont pas profondément évolué, alors qu'effectivement, cette période-là est une période de profonde transformation des modes d'analyse du populaire, justement. Pour le dire simplement, d'ailleurs, d'un certain point de vue, le concept de culture populaire a disparu depuis. On pourrait faire ça comme ça, hein, on le verra, Chartier, sa position, c'est qu'il faut récuser le concept lui-même, la notion elle-même. On peut l'utiliser, moi ça m'arrive, de manière déjà. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long pour cette introduction, mais c'est pour vous situer un petit peu d'où je parle, comme on disait dans un certain moment, en fonction de quelles, très rapidement, de quelles interrogations, de quels itinéraires. Pour moi, évidemment, à titre de chercheur, là aussi, éventuellement, on pourra en dire deux mots. C'est tout le problème, mais c'est tout le problème de l'articulation des cultures populaires, des traits populaires, des traits ouvriers, etc., avec le communisme qui est en jeu. C'est ce qui m'intéresse, mais de ce dont je ne parlerai évidemment pas du tout aujourd'hui. Deuxième, quand même, élément toujours de cette introduction, je voudrais que les choses soient claires aussi du point de vue de la posture que j'adopte. Par rapport à ces questions-là, il y a très souvent, je ne sais pas comment dire, des entreprises d'opposition. Par exemple, Le Grignon et Passeron est un ouvrage qu'il faut lire comme une critique quasi explicite de Bourdieu, etc. Je ne me placerai absolument pas dans une logique de différenciation. C'est pas ma lecture là aujourd'hui, c'est pas une lecture de en quoi c'est différent les historiens, des sociologues, en quoi c'est différent Grignon, Passeron, de la distinction, etc. Ce sera plutôt une lecture de il faut faire cumuler tout ça. Pourquoi ? Alors ça, c'est un problème d'histoire des sciences sociales, c'est que d'un certain point de vue, je me rends compte de plus en plus à quel point les pseudo-controverses plus ou moins construites, par exemple entre Grignon, Passeron et Bourdieu, sont des controverses qui sont prises dans des enjeux qui, d'un certain point de vue, scientifiquement ne m'intéressent pas, hein, qui sont des enjeux liés au positionnement d'un certain nombre de disciples de Bourdieu dans des rapports de différence, de conflictualité, de ressentiment. D'Aubry en parlait l'autre jour, et donc à dessein, je ne suis pas là ici dans une entreprise de différenciation, mais bien de est-ce qu'on peut associer l'histoire et la sociologie. Si on lit attentivement, j'avais complètement oublié ça, si on lit attentivement Le Grignon Passeron, Le savant et le populaire, je suis très étonné aujourd'hui de constater que les historiens sont totalement absents. On vient d'avoir, dans les années 70-80, des débats, des travaux sans fin chez les historiens, tu as rappelé Bakhtine, il y a évidemment tous les travaux autour de la bibliothèque bleue de Troyes, de Robert Mandeau, de Münchenblend, je ne vais pas faire le truc, je vais en dire deux mots tout à l'heure. Donc les historiens discutent, travaillent énormément autour de ces questions. Et je ne prends que la littérature, parce qu'il y a d'autres aspects de la culture populaire qui sont en jeu, ou des cultures populaires chez les historiens. Il y a tout le travail de Chartier sur la lecture, etc. Pas un mot dans Le savant et le populaire. C'est quand même, j'avoue, c'est une énigme, je ne sais pas comment c'est possible. Le seul historien qui est cité, c'est Michel de Certeau. Thompson, dans les textes, il est peut-être cité, mais dans les textes. Non, il n'est pas. Il n'est pas dans l'anthologie. Et dans l'anthologie, je parle de l'anthologie, c'est-à-dire les textes de référence. Oui, il est possible qu'il le cite, à propos d'Hogarth, certainement. Ouais, mais ils auraient dû Aujourd'hui, ça ne serait pas possible de faire un travail sur le savoir et le populaire sur les années 70-80 sans intégrer le travail des historiens. Ça me paraît bizarre, je ne sais même pas m'expliquer. Alors, on a Balzac, on a Flaubert, on a Zola, tout ce qu'on veut, mais pas les historiens. Je n'ai pas d'explication à cette énigme, je m'en suis rendu compte en venant, en préparant un petit peu ici. Donc ça, c'est voilà. Donc je ne suis pas dans une posture qui consiste à essayer de différencier pour opposer, parce que je crois que c'est trop tôt, et au contraire, d'un point de vue, me semble-t-il, scientifique ou intellectuel, en tout cas c'est ce qui m'intéresse en ce moment, plutôt essayer de faire, d'articuler, de faire cumuler ces approches qui me semblent, en réalité, dans des langages différents, dans des articulations différentes, extrêmement proches. Voilà, donc il faut que je fasse attention si j'ai bien compris. Alors quelques mots sur le Ginsburg dans l'esprit que je viens d'indiquer. Donc comme vous, je ne suis pas parti du principe que tout le monde l'avait lu. Je crois que j'ai bien fait. Ça tombe bien, parce que là ça aurait été emmerdant. Je vais au moins rappeler en quelques mots quand même l'enquête de Ginsburg, que je ne situerai pas dans l'œuvre de Ginsburg, j'en suis incapable, et que je ne situerai pas non plus dans les controverses sur la littérature et les lectures populaires, parce que là ça nous embarquerait presque dans un autre séminaire qui est le problème de l'évolution depuis le grand livre de Robert Mandrou, qui va faire l'objet de toute une série de débats. Donc derrière, d'ailleurs il prend clairement position Ginsburg dans sa préface, derrière donc le travail de Ginsburg, il y a l'adieu qui est fait à des façons de faire l'histoire pour lui, et en particulier Mandrou, avec lequel il est extrêmement sévère, on va voir pourquoi. Donc l'étude de Ginsburg, alors c'est le livre de Ginsburg, il a été important pour deux raisons, d'abord pour l'enquête historique elle-même, et aussi pour la préface. Et je vais dissocier bien sûr les deux. Je signale au passage que Nicolas Mariot a publié dans le numéro 100 de Genèse un petit article qu'il consacre aux trois préfaces pour lui sont les préfaces modèles de réflexivité, de façon de poser les problèmes, etc. Et parmi ces trois préfaces, donc je vous y renvoie, je trouve que c'est un truc, quoi, après tout, quand on écrit une thèse, puisqu'il y en a plusieurs qui sont dans ce cas-là, etc. C'est un article intéressant à réfléchir, parce qu'il montre bien l'importance de ce moment, quoi. Donc le livre de Ginsburg, c'est une préface en 10 propositions associées à 6 pages de travaux historiens auxquels il renvoie. Hein, et il y en a une quantité astronomique, et qui renvoie à tous les débats historiens, les recherches historiennes auxquelles je faisais allusion à l'instant. Et puis, c'est l'enquête. Et je vais commencer par l'enquête, pour vous dire un peu comment je l'ai lu, c'est-à-dire ce que j'en ai retenu, un peu dans la perspective qui est ici. Donc, comme vous le savez quand même vraisemblablement, l'enquête porte sur une enquête. Hein, c'est l'enquête de Ginsburg porte sur un meunier frioulant, je dirais quelques mots ensuite là-dessus, un meunier frioulant qui serait né en 1532 et qui est soupçonné d'hérésie, qui va, c'est la base archivistique sur laquelle va se fonder Ginsburg, qui va faire l'objet de 2 procès en hérésie, donc c'est détenteur d'une théorie hérétique, toute la question étant, bien sûr, de savoir d'où vient cette théorie. La question, au fond, que se pose Ginsburg, c'est la question que se posent les inquisiteurs, mais autrement. Pour les inquisiteurs, c'est d'où vient cette hérésie et qui en est le coupable, si j'ose dire. Et puis, pour Ginsburg, c'est la même question. Hein, c'est à travers les matériaux proposés par les actes des procès. D'essayer de comprendre les logiques de production, d'invention d'une théorie, alors théorie entre guillemets, là tous les mots sont piégés, lui il parle de cosmogonie, hein, la cosmogonie propre à celle de Menocchio, qui est donc le héros de ce livre. Donc ce qu'affirme, j'insiste sur ce que je crois être les éléments essentiels du raisonnement de Ginsburg. La première chose qu'affirme et qu'il essaye de retrouver dans les textes du dossier des procès Ginsburg, c'est, entre guillemets, l'autonomie de Menocchio. Il a une capacité propre, relativement autonome, d'invention d'une cosmogonie. Ce qui est en jeu, et c'est ça tout l'intérêt de ce livre, c'est que bien évidemment, si on avait pu démontrer que c'était sous l'effet d'une rencontre avec des hérétiques en ville, etc., donc d'une hérésie à laquelle Menocchio aurait adhéré, mais qui aurait été inventée ailleurs, c'est un autre livre, c'est une autre recherche, ça ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas sa légitimité, mais là, en l'occurrence, l'affirmation essentielle de Ginsburg, c'est que la cosmogonie de Menocchio est en partie, on va voir, en partie, le résultat de ce qu'il appelle sa lecture agressive des textes. Hein, il a eu des formules qui sont, de ce point de vue-là, très nettes. Et donc sa question, ça va être, et c'est une question insoluble, hein, mais je ne suis pas certain que Ginsburg puisse y répondre lui-même à certains égards, parce que sa question, ça va être, quels sont les multiples fils qu'il faut nouer pour comprendre comment une lecture agressive de texte, c'est-à-dire un certain type d'appropriation de textes qui ne sont pas des textes hérétiques, la Bible, etc., pour l'essentiel, comment à partir de cette lecture agressive, Menocchio va élaborer une cosmogonie qui a à voir avec l'histoire de la pensée politique sous différentes formes, à la fois sous la forme de culture orale ancestrale, alors que c'est quoi les cultures orales ancestrales, etc., et puis sous la forme aussi d'une espèce de rencontre un peu mystérieuse entre le travail de Menocchio, enfin l'inventivité, la pensée de Menocchio, disons-le comme ça, et des tendances de l'histoire de la pensée extrêmement moderne, voire à venir. Hein, donc l'autonomie du raisonnement, c'est le premier point. Je cite, il ne se vantait pas d'avoir eu des révélations ou des illuminations particulières. Dans ses discours, il mettait au contraire au premier plan son propre raisonnement. Cela suffisait déjà à le distinguer des prophètes, etc. On est en face de quelqu'un qui, dont Ginsburg nous affirme qu'il raisonne. Effectivement, du coup, c'est ce que je viens de dire, la question d'enquête, c'est comment lisait-il les livres ? Puisque c'est de lui-même que, en partie, vient cet élément. Toute tentative pour considérer ces livres comme des sources au sens immédiat et mécanique du terme échoue devant l'originalité agressive de la lecture de Menocchio, plus que le texte, qui apparaît à leur importance, c'est la clé de lecture. C'est un énorme problème. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais « Histoire de lecteur », c'est un livre intéressant, mais on s'est planté. C'est que d'un certain point de vue, je pense qu'on a reconstitué la rencontre entre des itinéraires biographiques et des itinéraires de lecture, mais pas vraiment la lecture. Parce que ça me semble être, en tout cas, très difficile de répondre à la question qu'est-ce que c'est que l'acte d'interprétation constitutive d'une lecture de quoi que ce soit qui modifie et en quoi l'habitus de quelqu'un. On pourrait le dire comme ça. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, je ne me souviens plus, Meyerson, je crois, disait toute lecture d'un livre me change. Donnez-moi le processus méthodologique d'enquête qui permet d'apprécier le changement de. Et je pense que c'est pas faux. Je pense que c'est pas faux. Évidemment, il y a les cas extrêmes, c'est une révélation, c'est une rencontre, c'est le livre de ma vie, c'est machin, etc. Et encore, quand vous tombez là-dessus, bon. Mais d'un certain lieu, donc voilà, dans notre dispositif d'enquête sur l'histoire des lecteurs, qui est un très bon livre, je dis pas le contraire, mais là, ce qui est, peut-être c'était la question la plus difficile, on n'a pas su y répondre. Donc on est dans une logique, je suis dans une logique de recherche ici, hein, pas dans une logique, c'est la seule chose qui m'intéresse, etc. Donc oui, c'est pas grave. Alors, deuxième élément du dispositif donc de Ginsburg, que je résume, c'est une fois qu'il a placé son bonhomme dans l'acte de lecture, c'est comme ça en tout cas que je l'ai lu, et qui lui a donné une certaine autonomie, une certaine capacité de raisonner seul, même un orgueil. Les inquisiteurs, évidemment c'est la théorie de l'influence, mais qui... Il va se faire torturer à la fin pour dénoncer ceux qui l'auraient influencé. Il est bien en peine de dénoncer ses inspirateurs. Il ne peut pas dire c'est sur Internet qu'il a vu les discours qu'il a lus. Et puis il ne sait pas, il a peut-être rencontré, il cherche le pauvre. C'est un livre passionnant à lire comme enquête aussi. Hein. Il cherche le pauvre qui il peut dénoncer. Quoi. D'ailleurs, il se souvient qu'il a rencontré machin. Mais bon, il est quand même torturé et ensuite condamné à mort. C'est le deuxième procès. Deuxième grande question, donc, c'est de reconstituer pour Menocchio ce qu'il appelle, pour Ginsburg, ce qu'il appelle la cosmogonie, c'est-à-dire la théorie propre de Menocchio. Alors, cette théorie, il dit, elle repose sur une stratification complexe. C'est là qu'en tant que je suis ce que je suis, je n'ai pas d'avis, mais je la rappelle. Hein, Menocchio a une théorie alternative à la théorie de la Genèse. Hein, autrement dit, c'est propre d'une cosmogonie, il a un autre discours des origines que celui que orthodoxe de l'Église catholique à ce moment-là, reposant sur la Genèse. Donc, ce cas, alors je cite Ginsburg, c'est plus simple. Je dis que selon ce que je pensais, il cite lui-même le récit enregistré par les inquisiteurs, j'ai dit que selon ce que je pensais et croyais, tout était un chaos. C'est donc une théorie du chaos. Et ce volume, peu à peu, fait une masse. Ce volume de chaos fait une masse. Et comme se fait le fromage dont le lait et des vers y apparurent, qui devinrent des anges. La très sainte majesté voulut que ce fussent Dieu et les anges. Au nombre de ces anges, il y avait aussi Dieu créé lui aussi de cette masse en même temps. Quand vous êtes confronté à des théories comme ça, bon courage. Alors l'inquisiteur est quelque peu perplexe, on comprend. On l'interroge longuement sur sa théorie du chaos. Et Ginsburg dit, dans son langage dense, tout ruisselant de métaphores quotidiennes, Menocchio expliquait avec une tranquille assurance sa cosmogonie aux inquisiteurs stupéfaits et intrigués. Sinon, pourquoi aurait-il mené l'interrogatoire avec tant de minutie? Au milieu d'une telle variété de termes théologiques, un point restait constant, le refus d'attribuer à la divinité la création du monde et en même temps la répétition obstinée de l'élément en apparence le plus bizarre, le fromage, le ver, ange né du fromage. On est à page 97. Donc la cosmogonie, un des éléments de la stratification complexe de la cosmogonie de Ginsburg essaie de restituer, de la cosmogonie de Menocchio qui essaie de restituer Ginsburg, serait lié à cette théorie de la génération spontanée qui a un rapport avec l'expérience de Ginsburg. C'est d'ailleurs, mais en même temps, une expérience dont Ginsburg va dire, de Menocchio, dont Ginsburg va dire qu'on ne sait pas trop comment elle l'a joué, qui est comment peut-on tirer de la contemplation, de la fabrication du vivant à travers le fromage qui, je ne sais pas quoi, moi je ne connais rien, enfin, ça se traduit par des vers, tout ça. Est-ce que, en quoi cette expérience, comment cette expérience lui vient-elle à l'esprit? Et ça sera une, quand même, de mes grandes critiques du livre. Je vais revenir à la fin. C'est que d'un certain point de vue, les affirmations de Ginsburg reposent sur l'étude d'un individu dont on ne sait rien. Voilà, c'est quand même un gros problème d'un point de vue sociologique, mais j'y reviendrai après. Et Ginsburg affirme la cosmogonie de Menocchio était en substance matérialiste. Alors là, on voit apparaître des catégories qui sont des catégories élevées, philosophiques, matérialistes et de tendance scientifique. Page 98. Alors, renvoie à l'expérience quotidienne d'un côté, et de l'autre, d'unification, je dirais, qui me semble discutable, mais là, peut-être que les historiens me contrediront, mais une espèce de dignification de l'hérésie de Menocchio, avec la projection de catégories qui viennent de la théorie politique, ou de la théorie philosophique, le matérialisme, etc. On verra qu'assez curieusement, si j'ai le temps, mais j'aurai probablement pas le temps, mais bon Dieu fait la même chose. Alors ça, c'est intéressant, quoi. Je veux dire, bon, après... Je passe sur une des dimensions importantes de l'analyse de Ginsburg qui ne m'intéresse pas tout à fait ici, qui est que tout ça a à voir, justement, peut-être que c'est la dimension que vous voulez ou pourrez aborder, Laurent, tout ça a à voir avec un doute que de Menocchio sur la légitimité du discours d'institution de l'Église. Là, il y a quand même, effectivement, chez Ginsburg, l'idée que Menocchio trouve illégitime, il dit, voire absurde, la prétention des clercs à maintenir le monopole d'une connaissance qu'on pouvait acheter pour 2 sous aux éventaires des libraires de Venise. Et donc là, le problème du rapport à une culture instituée qui se présente comme mystérieuse, énigmatique, en latin, etc., et qui est imposée à des gens qui peuvent se douter à quel point derrière tout ça, éventuellement, il n'y aurait pas grand-chose. Alors, après sa première condamnation, donc, Menocchio relâché reprend sa place au village, il est à nouveau dénoncé, il est torturé et il est condamné à mort. Alors, l'enquête, voilà, je résume rapidement, Donc la théorie pour simplifier, la théorie de Menocchio n'est pas si simple que ça à expliciter. Elle est faite de composants qui sont de nature différente, l'expérience, probablement sa biographie. Alors c'est là que le livre est, de mon point de vue, évidemment, il nous laisse un peu dans l'incertitude, c'est que même si on peut considérer, ça c'est un problème de méthode, que le cas Menocchio n'est pas un cas unique, exceptionnel à mettre de côté, parce que tellement il est exceptionnel, mais que ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas exceptionnel, ce que va, à certains égards, c'est ce que va défendre Ginsburg, bien évidemment. On ne sait rien des logiques biographiques, sociales, qui sont au principe de sa capacité à lire agressivement les textes, à se les approprier sur ce mode-là. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on est dans quelque monde que ce soit des fabricants d'hérésies à compte d'auteur comme ça, qui seraient à ce point-là coupés des lectures, des théories légitimes, sous quelque forme qu'elles soient d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier problème. Cette biographie est déficiente. Il y a quelques indications dans l'ouvrage sur sa biographie, mais pas beaucoup. Or, c'est quand même une question qui reste pendante. Et ensuite, le problème de la complexité de la cosmogonie de Menocchio telle que croit la repérer Ginsburg. Alors bon, c'est d'autant plus complexe qu'il affirme plein de choses, Ginsburg. Il affirme que pour comprendre vraiment l'hérésie de Menocchio, il faut probablement mobiliser des traditions millénaires d'une culture orale, qu'il suppute plus qu'il ne peut démontrer en quoi et comment elle existe. Hein, il le dit clairement, l'état de la documentation reflète bien évidemment l'état des rapports de force entre les classes. Une culture presque exclusivement orale, comme celle des classes subalternes de l'Europe pré-industrielle, tend à ne pas laisser de traces. Donc, comment les mobiliser? Et puis d'autre part, il affirme le caractère de convergence de l'hérésie de Menocchio avec les tendances les plus modernes de la science de l'époque. Je ne reviens pas là-dessus, hein, mais donc on a d'un côté un passé millénaire d'une culture orale qui serait mobilisée dans la fabrication de l'hérésie, on a de l'autre côté une rencontre dont on ne sait d'où elle vient avec les tendances les plus modernes de la science. C'est quand même, moi je le prends comme ça, comme problème, et c'est un problème intéressant, parce qu'on peut se demander si on n'a pas la même chose dans la fabrication de pensée populaire aujourd'hui, c'est-à-dire des espèces de mélanges. D'ailleurs c'est ce sur quoi je terminerai, parce que c'est un peu là-dessus que... Bon. Il me semble quand même que cette entreprise de dignification de la pensée de Menocchio, elle manque les médiations. Moi, je veux bien qu'on dignifie, mais j'aimerais bien comprendre comment... c'est quoi le matérialisme spontané, cynique, j'ai regardé, si j'ai le temps, repère Bourdieu dans un certain nombre de situations populaires, et le matérialisme comme théorie philosophique, comment tout ça, ça s'enchaîne, ça se conditionne mutuellement, etc. Bon, problème. Alors, voilà, le résumé, me semble-t-il, en tout cas que j'ai fait moi, du bouquin de l'enquête de Ginsburg. Alors, ce qui est, à mon avis, fondamental dans cette opération intellectuelle, et qui va faire date, et qu'on retrouve dans la préface, c'est que, bien évidemment, la culture populaire, en tant qu'elle aurait une autonomie totale, ou des objets propres, etc., au fond disparaît. Là, on est confronté, comme le dira Ginsburg, on est confronté à des problèmes de circulation entre des niveaux idéologiques différents, ou théoriques différents, ou philosophiques, ou hérétiques, etc., différents. On est confronté à autre chose. On est confronté, en tout cas, à des produits que l'on ne peut pas classer, parce que toute opération de classement dans des catégories comme celle de culture populaire ou culture savante serait des catégories qui ratent le problème qui est posé par l'entremêlement de ces niveaux. Alors, ça, on le retrouve, je rappelle la préface maintenant, qu'il faut lire à mon avis après, où il y a 10 points. On passe de la geste des rois, etc. Et on est en train d'étudier enfin le peuple, quoi, pour aller vite. Chez les historiens, c'est une bonne chose. Deux, ça pose beaucoup de problèmes, c'est que, par définition, tout ce qui relève du populaire laisse moins de traces que, etc. Néanmoins, on peut quand même le faire, affirme sur le point 2 de Ginsburg, l'exemple de Menocchio le prouve. Troisièmement, à condition, lorsqu'on s'intéresse aux pratiques culturelles populaires, de ne pas les interpréter à la lumière d'une théorie plus ou moins consciente du diffusionnisme, d'une culture du haut vers le bas, donc ça, il faut le récuser. Et là, il s'en prend à Mandrou, explicitement, donc adieu Mandrou, le bouquin de Mandrou qui était une enquête qui avait aussi son importance, hein, puisqu'elle mettait fin aussi à une tradition folkloriste. Donc là, c'est toujours pareil, hein, quand on... c'est normal que scientifiquement on avance, quoi. C'est pas grave de critiquer le passé, celui qui est venu avant, c'est la moindre des choses, mais on en fait toujours un drame. Mais c'est, voilà. Donc quand il critique Mandrou, ça n'empêche pas de reconnaître l'importance de Mandrou au moment où Mandrou, dans un contexte historiographique déterminé, se donne comme objet une étude systématique des 450 livres de la bibliothèque de Troyes qu'il mobilise, dont il fait une analyse de contenu, etc. Il me semble en tout cas que c'est intéressant. Mais il refuse cette démarche comme absurde. La démarche de Mandrou, qui part des textes, qui les classe, etc., au nom de la passivité supposée du lecteur, puisque toute son entreprise, c'est de montrer l'activité du lecteur. Quatrième point, donc, il préfère Bakhtine, effectivement, mais quand même, Bakhtine, c'est la même chose, il appréhende les cultures populaires à travers les textes de François Rabelais, donc est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Et puis, il signale que d'autres l'ont fait, utilisent des textes, pas les mêmes, donc je pensais, vous voyez, j'ai mis Hayat au point 5, à la suite de notre rencontre l'autre jour, c'est-à-dire qu'on peut utiliser d'autres textes que les textes des penseurs, c'est déjà énorme. Hein, comme je crois tu le fais en essayant de trouver des textes qui sont les textes d'introduction à des activités associatives pour vite du mouvement ouvrier ou de ce qui va devenir le mouvement ouvrier dans les années 1800, on n'est pas loin. Alors il continue point 7, point 6, ambiguïté du concept de culture populaire. Donc lui il le retient encore à ce moment-là, hein, ambiguïté du concept de culture populaire qui mélange des formes d'acculturation plus ou moins délibérées, des convergences avec la culture, désormais inconscientes de la source dans laquelle tout ça se mêle, on voit qu'on rentre dans, effectivement, quelque chose, des produits, qui sont des produits, évidemment, très difficiles, et il dit, ça pose le problème de la circulation culturelle. Alors, c'est quoi la circulation culturelle? C'est un programme de recherche, hein, sur lequel, à mon avis, on est toujours. Bon, il fait, évidemment, l'éloge, enfin, il défend l'idée que le biographique est une méthode d'enquête qui a sa légitimité, même si on peut évidemment la critiquer, mais entre autres, du point de vue qui le sien, à savoir l'analyse des appropriations, c'est sûr que le biographique peut être un des domaines privilégiés d'une enquête sur les appropriations, sinon c'est pas si simple que ça. Il affirme point 8, on retrouve chez Menocchio donc de lointaines traditions paysannes, mais aussi une composante rationnelle, c'est le problème que je posais tout à l'heure. Donc il récuse à ce moment-là la notion d'histoire des mentalités, puisque la notion d'histoire des mentalités pour lui est associée au repérage de survivance, d'archaïsme, etc., et qu'il s'agit de penser autrement les productions culturelles, entre guillemets, populaires. Donc il dit à ce moment-là, je préfère la notion de culture populaire à celle de mentalité collective, à condition d'y voir une invitation à délimiter un domaine de recherche. Je crois que c'est ce qui a été fait. Enfin, il encadre dans d'autres logiques historiques le propos de Ginsburg, de Menocchio. Quand même, je tiens absolument à mon lapsus jusqu'au bout. Il encadre ça dans deux grands événements historiques. Évidemment, l'invention de l'imprimerie. Quand même, pour que Menocchio puisse lire des livres, il faut que ces livres commencent à circuler, et ça, c'est l'imprimerie. Et deuxièmement, dans un truc qu'il ne développe pas beaucoup, mais qui est vraisemblable, dans l'espèce d'autorisation. Il faut aussi des formes d'autorisation sociale à l'inventivité hérétique. Et là, ces formes d'autorisation, elles seraient à rechercher dans la réforme. Hein, peu importe qu'il soit évidemment lui-même contaminé par les idées de la réforme, mais la réforme en tant que phénomène historique libère une espèce de droit à l'inventivité hérétique. Donc au total, impossible de faire des distinctions nettes à l'intérieur de la culture de Menocchio, je crois que c'est assez insisté là-dessus. Alors, j'en suis où là, de mes salades ? De temps, dans le temps, oui. Bah écoute, il est 15h, t'as commencé à 15h20. Ah oui. Oh. Bon, ben je vais résumer mes conclusions. On a le temps, hein. Oui. Parce que j'ai encore beaucoup à dire. Alors, première conclusion, je dirais, mais ça mériterait une enquête, là aussi, sur l'histoire de l'histoire, etc. Je signale en passant, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait à plusieurs reprises référence à l'idée que toute cette affaire renvoie à l'évolution de l'historiographie, etc. Il y a deux articles, qui me semble-t-il, qui font un peu la synthèse de cette évolution historiographique. Là aussi, Déborah en connaît peut-être d'autres, sûrement. Il y a un papier de Dominique Khalifa qui s'intitule « Les historiens français et le populaire » dans Hermès. Donc il revient sur toute cette histoire de travaux de Mandrou, de Bollem, de Geneviève Bollem, de Marc Soriano, qui portait sur les littératures dites populaires au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et puis, donc là, c'est vraiment... évidemment, il y a Chartier et compagnie. Enfin, voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a une espèce de synthèse de faite par Khalifa. Bon. Et puis, sur la question de l'histoire culturelle, dans laquelle va être prise Roger Chartier, dans laquelle on peut, si on veut absolument labelliser, etc. Vous avez un papier de Philippe Poirier, qui fait aussi une synthèse dans son ouvrage « L'histoire culturelle, un tournant mondial dans l'histoire biographique », qui est un ouvrage préfacé par Roger Chartier. Et il y a une synthèse aussi sur l'histoire culturelle, d'une manière générale, qui recoupe un peu la question des littératures populaires, mais qui renvoie à la question de l'évolution de l'histoire culturelle, jusqu'à la position de Chartier, à savoir qu'il faut faire une histoire sociale du culturel. Et pas éventuellement une histoire culturelle du social, mais tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, le livre de Ginsburg, je crois que ça sera à vérifier, mais son importance tient au fait que c'est une extraordinaire démonstration de ce travail d'appropriation de l'activité relativement autonome d'un lecteur populaire. Là, les concepts, entre guillemets, prennent corps, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça n'est pas un hasard si, dans ses travaux, Roger Chartier va toujours se renvoyer, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres choses, va toujours renvoyer à ce travail de Ginsburg. Je voudrais alors maintenant terminer sur deux idées, donc en simplifiant beaucoup, et dans la discussion peut-être j'y reviendrai. De ce travail de Ginsburg, me semble-t-il, s'inscrit dans l'élaboration de dispositifs d'analyse en histoire et en sociologie, dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient relativement stabilisés, et qui, d'un côté, tiennent à Roger Chartier, qui, lui, à la différence des sociologues, connaît les sociologues, enfin, au moins Bourdieu et bien d'autres, c'est intéressant de ce point de vue-là, et un autre dispositif d'analyse, à condition de le critiquer à certains égards, qui est dans le savant et populaire. Je vais en dire deux mots, parce que là, ça me prendrait... J'en ai encore beaucoup, mais et puis comme j'ai déjà écrit en partie cette affaire-là, mais c'est surtout le dispositif de Chartier. Il y a des historiens que je n'ai pas retrouvés mobilisés. Alors, Chartier, 1986, lecture et lecteur dans la France d'Ancien Régime, on est à peu près dans les mêmes enjeux historiographiques que le Ginsburg. Donc là, c'est un ensemble de textes qui portent sur différents aspects des enquêtes de Chartier. Impossible de résumer les enquêtes de Roger Chartier, mais c'est pas ici qu'on va le faire. C'est énorme, mais vous voyez, je donne les titres, les livres bleus, il revient sur la littérature, la question des lectures paysannes, la question des pratiques citadines de l'imprimé, la question de la gueuserie, de la littérature de la gueuserie. Donc c'est toute la réflexion de Chartier sur les textes qui seraient lus, appropriés par des fractions différentes des classes populaires, etc. Et dans l'introduction de ce livre, donc Chartier dit très clairement qu'il a écrit ses enquêtes à lui reposent sur le fait qu'il récuse en doute toute légitimité, grosso modo, à la notion de culture populaire. Hein, il est très clair. Ce livre s'est construit sur la base d'un refus, dit-il. Il faut toujours être attentif aux formulations de Chartier, un refus progressivement cristallisé, parce qu'il faut s'arracher quand même à ces choses-là, et c'est pas simple pour personne, un refus progressivement cristallisé de l'emploi devenu classique de la notion même de culture populaire. Donc, adieu à la culture populaire. Et il dit, bah, tout, tous les découpages qui ont fonctionné jusqu'à présent dans les études, plus ou moins explicitement, l'oral, l'écrit, les savoirs populaires, les savoirs, etc., Chartier les récuse au nom du fait que l'enjeu de la recherche devient non pas au fond d'affecter les objets étudiés à ces catégories préconstituées, mais un, de les interroger, et deux, de s'interroger sur l'entremêlement des pratiques qui sont en réalité au principe des traits culturels que l'on observe. Donc, il faut étudier les circulations, les appropriations différenciées, les emprunts, les pratiques partagées, les accommodements mutuels, les conflits larvés ou plus explicites, etc. On est dans le chaos. Mais bon, c'est pas grave. Je rassure tout de suite ceux qui ont peur du chaos. C'est très bien le chaos. Bon, alors il prend l'exemple de la religion populaire. La religion populaire, c'est pas un ensemble homogène qu'on pourrait retrouver à aucun moment. Il n'y a pas d'âge d'or de la culture populaire qui serait associé à une période où les classes populaires seraient dans l'oral et complètement prémunisées du contact avec l'écrit, etc., etc. Bon, il bazarde tout ça. D'accord. Alors, comment étudier les pratiques dites culturelles des classes populaires, une fois qu'on s'est, au fond, débarrassé de ces catégories ou de ces schèmes préalables qui, de son point de vue, ne permettent pas de rendre compte de la complexité des circulations, des configurations. Alors il dit, à la place de tout ça, il faut proposer l'étude de configurations historiquement différenciées de rapports d'entremêlement et de lutte entre des pratiques culturelles. Premier point. Donc, il faut considérer pour chaque époque comment se nouent les rapports complexes entre des formes imposées, plus ou moins contraignantes ou impératives, des identités affirmées, plus ou moins épanouies ou bridées. On voit bien qu'on est dans un vocabulaire mou, apparemment. Mais c'est un dispositif d'analyse. Ensuite, à chacun de s'en saisir pour faire quelque chose. À la place donc de ces conceptions simplificatrices préalables, il propose un dispositif conceptuel fondé sur deux couples notionnels, discipline et invention. Toute pratique culturelle devrait être analysée sous l'angle de en quoi elle relève de formes de discipline, c'est-à-dire le monde social qui est cherchant à imposer, etc., et de formes inventives, comme chez Ginsburg. Après tout, la Bible, c'est une imposition d'une orthodoxie, une invention chez Menocchio, c'est évidemment c'est la fabrication de son hérésie, si j'ai bien compris, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et les deux couples notionnels, donc c'est discipline et invention. Et il y a une formulation, je vous y renvoie, c'est page 16, je n'ai pas le temps de prendre mon note, je vous le risque, c'est toujours aussi sérieux, mais tu n'auras pas le temps, je vais le dire trop vite. Tout dispositif qui vise à créer de la contrainte et du contrôle secrète des tactiques qui la prévoisent et la subvertissent, et qu'à l'inverse, il n'y a pas de production libre et inédite qui n'emploie des matériaux imposés par la tradition, l'autorité ou le marché, qui ne soit soumise aux surveillances et aux censures de qui a le pouvoir sur les choses ou sur les mots. C'est quand même une chaîne d'analyse, voilà. Après, chacun de s'en saisir pour son objet. Et puis, deuxième couple notionnel, distinction et divulgation. Donc, discipline et invention, distinction et divulgation. Toute divulgation, octroyée ou comprise, produit du même coup la recherche d'une nouvelle distanciation. Distinction, pardon. Donc, distinction, on n'est pas loin du bon Dieu de la distinction, à certains égards, et des enjeux, effectivement, des conflits classiques autour des pratiques culturelles qui se diffusent, qui ne sont plus suffisamment distinctives, qui, etc., etc. Il y a plein de choses là-dessus qui sont un enjeu. De ce point de vue, un des meilleurs livres, peut-être, un peu troublant, mais qui va être traduit plus tard, mais qui date aussi de cette période, c'est le bouquin de Levin sur « Culture d'en haut, culture d'en bas ». Sur le comment aux États-Unis, dans ces États-Unis où on croit voir le Far West, Shakespeare est un produit largement diffusé dans le peuple américain, avec effectivement des logiques de distinction qui vont se mettre en place, ensuite des barrières, etc., etc. Bon, c'est un livre de ce point de vue-là intéressant. Ça, c'est le dispositif de Chartier. Et, parallèlement, donc. Il me semble qu'il y a un autre dispositif dans un autre langage conceptuel, mais qui mérite, de mon point de vue, d'être associé. Il ne s'agit pas de choisir. Hein. Il s'agit de savoir avec qui on peut penser, et qui nous aide à enfin, qui nous aime le plus, quoi. Alors, si vous êtes sociologue, forcément, vous êtes plus habitué au langage sociologique de Bourdieu. Si vous êtes historien, vous êtes plus habitué à tout l'habitus historien. Et tout ça n'est pas grave. Je terminerai sur une citation de Bachelard, qui me semble être la seule citation, la citation que vous pouvez citer tout le temps, mais qui est à la fois d'une grande banalité, mais qui est une grande vérité. Donc, c'est formidable. Et vous allez me comprendre tout à l'heure. Le deuxième dispositif du savoir et du populaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, je me permets, s'il y en a qui s'intéressent, parce que je vais le critiquer en plus, je me permets de renvoyer à la synthèse que j'ai essayé d'en faire dans d'abord le siècle des communismes et dans un monde des faits pourquoi j'ai fait ça, parce que j'avais besoin de faire ça, et qui était moi par rapport à mes objets, le communisme. Alors, je ne vais pas en parler ici, c'est pas, je me suis appuyé là-dessus parce que penser le communisme, le rapport des militants, la théorie politique, qu'est-ce que ça veut dire lire Marx par exemple. Je prendrai très rapidement cet exemple en 2 secondes tout à l'heure, si j'ai le temps. Comment étudier les catégories d'appropriation par des militants ouvriers, du capital ou de travail salarié et capital, etc. Où c'est que je vais trouver des trucs, quoi. J'en ai dans des récits, quelques-uns, mais c'est vraiment pas évident. Donc voilà pourquoi j'avais besoin de revenir sur ce dossier. Le savant et le populaire en sociologie, c'est un ouvrage compliqué. Hein, compliqué parce que nous savons tous les uns et les autres qu'il est construit contre Bourdieu, entre guillemets. Et c'est-à-dire, comme dit Grignon dans un entretien qu'il a donné à Politique, dans le numéro qu'on avait managé sur savant, sur le populaire et la politique, les haricots de la distinction me sont restés sur l'estomac. Il y a une photo dans la distinction d'un ouvrier en train de bouffer haricots à Toulouse, justement, et la question c'est de savoir s'il va gagner le premier prix en réussissant à manger je sais pas combien de kilos, enfin bon, donc vous voyez, une représentation du monde ouvrier à laquelle Claude Grignon a été particulièrement sensible, y voyant assez vite une complaisance de Bourdieu, un racisme de classe qui ne s'affirmait pas, etc., etc. Je laisse tomber ce débat à la con, parce que ça ne m'intéresse pas trop, en l'occurrence, mais je garde le dispositif de Grignon Passeron. Grosso modo, ils disent, quand on traite des classes populaires, il y a 3 postures. Évidemment, l'ethnocentrisme de classe, qui est plus ou moins inconscient, ou plus ou moins conscient selon les périodes, auquel on revient toujours, qui au fond consiste à affirmer qu'il n'y a qu'un seul type d'homme digne d'être un homme, donc qui valorise un arbitraire culturel, qui est l'arbitraire culturel des dominants. Je ne vous mets pas de dessin. Il y a une deuxième posture qui est la posture du relativisme culturel. Donc là, le dispositif qui est mis en place, c'est par rapport à l'ethnologie. Tout groupe social a le droit à son arbitraire. Donc il y a des spécificités culturelles des classes populaires, pour aller vite. Des pratiques culturelles spécifiques, des inventions langagières spécifiques, qu'on retrouve, etc. Il y a plein de choses. Et qui ont leur légitimité. Le problème, c'est que les ouvriers, sauf quand on est raciste, au sens social du terme, les ouvriers sont dans une société stratifiée où il est impossible de faire l'économie de la légitimité. La légitimité étant le point de vue que les dominants parviennent à imposer aux dominés par différentes voies, ne serait-ce que par l'intériorisation de catégories de représentation du monde social qui sont en prise avec leur socialisation à l'école, etc. Je ne vais pas vous faire la sociologie de Bourdieu derrière ça. Et tout le problème, c'est d'associer point de vue relativiste et point de vue légitimiste. Et cette association me semble très proche du dispositif de Chartier. Très proche, dans un autre langage, complètement différent. Alors, bon, je laisse tomber ce que j'en disais ensuite par rapport à la politique des ouvriers, encore que c'était en question. Donc, si on garde ces deux, je vais quand même terminer là-dessus. Si on garde ces dispositifs, donc pour un séminaire sur l'histoire des idées politiques, comment penser, au fond, l'habitus, la constitution d'habitus, c'est-à-dire du système de perception, etc., socialisations multiples, diverses, associatives, syndicales, politiques et compagnie, la scolarisation, comment associer donc, comment mêler toutes les formes d'invention de tous les états de matière des idées politiques, peux le dire comme ça, ouais, je le dirais comme ça, comment mêler tous les états de matière des idées politiques dans des analyses qui visent à rendre compte de l'adoption plus ou moins vulgarisée, appropriée, de théories politiques qui circulent dans d'autres champs et qui sont en partie fabriquées sur des logiques qui sont des logiques d'autres champs. Alors concrètement, une fois qu'on a dit ça, ben, je vais être concret, j'en terminerai là-dessus. Par exemple, il me semble que si on suit tout ce raisonnement de manière très très simple, ben, il faut mettre au centre, en tout cas l'un des centres, parce que ça c'est dangereux, il faut mettre au centre, parce qu'il y a sûrement plein de centres. En tout cas moi, voilà, l'un des centres qui me semble important, c'est le concept d'appropriation. Alors, pourquoi ? À une condition, si j'ose dire, c'est qu'on le voit sous les deux angles. L'angle de l'imposition et l'angle de l'inventivité. Par exemple, quand on s'intéresse au concept d'appropriation, eh bien, il faudrait étudier, je trouve que ça n'est pas fait, les vulgarisations. Je prends un exemple très simple. Je faisais ça en cours très rapidement, parce que je n'avais pas le temps. Il y a des témoins là, qui pourront attester, je mens, mais, ou non. Mais en cours, je prenais l'exemple de Marx. Hein. Bon, Marx, vous avez le Capital, les grandes œuvres scientifiques, théoriques de Marx, mais Marx lui-même a été le vulgarisateur de Marx. Quand il donne des cours aux militants, avec, alors qu'on retrouve dans Travail, Salarié, Capital, moi je retrouve ça dans mes bibliothèques de militants, ils n'ont pas lu le Capital. Il y en a un qui me met dans une autobio, et je pense qu'ils étaient nombreux à le penser, il y a trop de mathématiques là-dedans, c'est impossible à lire, d'ailleurs ici personne ne l'a lu, donc... À part Samuel, peut-être, et encore, c'est pas si... Il faut... Oui, pas bon, petite boutade, hein, parce que... Mais c'est pour dire, on s'endort pas en disant le Capital. Enfin, où ça vous endort, je sais pas, peu importe. Donc, mais par contre, vous lisez Travail, Salarié et Capital, vous lisez Salaire, Prix et Profit, c'est-à-dire les conférences que fait Marx à des militants ouvriers, où Marx se met en scène comme professeur détenant la vérité, avec un langage... Donc, il faudrait étudier les vulgarisations, c'est-à-dire comme travail, pré-appropriation, mais projeté sur ceux dont on pense qu'ils vont comprendre en fonction des appropriations qu'on leur propose. Ça, c'est une chose. Et puis, une deuxième chose, c'est le gars qui lit tout seul « Travail, salarié et capital » et qui ou le capital, et qui va se l'approprier comme Ménocchio. C'est-à-dire, après tout, en faire des lectures. Je pense que ça, dans une histoire sociale des idées politiques, ça me semble être un moment que celui des appropriations, particulièrement intéressant, quoi. Parce que, au fond, on sort un petit peu d'une histoire sociale des pratiques culturelles, bon, qui est déjà bien avancée, qui est importante, la sociabilité dans l'atelier, enfin, on peut, voilà. On sort on se sépare d'une histoire des idées politiques qui s'intéresse aux textes, aux théoriciens, bon, et on essaie de trouver des lieux d'articulation de ces mondes, et en tout cas, pour le moment, si j'avais à dire quelque chose, je dirais que c'est un peu c'est sur cette question de l'articulation sous la forme des vulgarisations, des appropriations, que ça pourrait être une voie d'entrée sur une histoire sociale des idées, au sens où je l'entends. Voilà, j'en ai terminé, je pense, dans le temps qui m'était imparti. Et Bachelard ? Ah, Bachelard, oui, t'as raison. Ah oui, ça c'est la philosophie du truc. C'est une phrase de Bachelard que j'ai lu, je sais plus où. Bachelard dit, à propos de l'esprit dans lequel je pense qu'il faut associer les travaux, en tout cas c'est une des postures de lecture possible. Je sais bien qu'il y a d'autres lectures possibles qui sont aussi utiles, différencier, se distinguer, etc., hiérarchiser. Mais Bachelard dit quelque chose de très simple quand on fait l'histoire des sciences sociales. Il dit toute lumière projette quelque part des ombres. La grande question, c'est de savoir si c'est une lumière. S'il y a au point de départ, il y a une lumière. Quand il n'y a pas de lumière, là, on est dans la merde. Mais si ton ami Mandrou projette quelque part des ombres dans lesquelles s'inscrit Ménocchio, etc., bon, voilà, il n'y a rien de dramatique. Je dis ça ici où je pense que ça n'a pas beaucoup d'effet, mais parce que quand même, je sais à quel point on construit dans nos milieux des oppositions qui ont certainement une grande légitimité politique, institutionnelle, etc., enfin, qui sont pas très difficiles à comprendre sociologiquement, mais qui scientifiquement ne sont pas d'un très grand intérêt, et je ne sais pas si c'est un effet du vieillissement, mais je suis de plus en plus frappé par le fait que que c'est intéressant d'essayer de faire faire rencontrer des langages qui sont très différents suivant les disciplines, mais qui, au fond, parlent de la même chose. Et là, il y a vraiment beaucoup de productivité. Je vois ça, moi, en ce moment, sur le communisme, par exemple, puisque je me suis rendu compte petit à petit que qu'on rentrait avec Pelletier dans un champ international de recherche, mais qui, évidemment, en France, on est très marqué par l'histoire sociale biographique, par mon Dieu, dans nos travaux. Les autres, pas du tout. C'est Foucault, ou c'est je sais pas qui, ou c'est machin. Et d'un certain point de vue, ça n'est... À un certain niveau, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, c'est intéressant d'essayer aussi de faire fonctionner ça. Donc je plaide pour l'union sacrée, quand elle est utile, bien sûr. Ça dépend pour qui. Voilà, c'était Bachelard. Bon, mais c'est le discours pacificateur auquel je n'étais pas habitué de taper. Oui, oui. T'honore. Merci beaucoup, Bernard. Bravo. Je vous propose peut-être de passer. Alors, ça dépend aussi de débat. On pensait peut-être faire une petite intermède de discussion avant de passer à l'intervention de Laurent, qui se situera sur un terrain un petit peu différent. Bah, écoute, si Déborah, tu veux commencer. Ça va être un peu déborné. Ça va être déjà une. Oui. Moi, il faut que j'y tienne le meilleur. Sauf si tu veux répondre. Oui, j'ai essayé de dire quelque chose, mais en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de choses, donc j'aurais pas beaucoup de mérite à trouver quelque chose à dire, forcément. Donc, un peu dans le désordre. Bon, déjà, peut-être quelque chose qu'on n'a pas trop souligné, c'est au fond un point de vue très antisociologique de Ginsburg, en fait. Et du coup, ce n'est pas un hasard. En fait, c'est des politistes qui s'y intéressent, mais pas des sociologues, même si c'est des politistes intéressés par l'histoire sociale des idées. Mais... voilà, parce qu'il y a ça qui est intéressant, y compris pour comprendre le positionnement le problème de cette définition d'une histoire sociale des idées, qui en fait va aussi piocher chez des gens qui sont hyper opposés, à mon avis, à des, sinon à la sociologie, du moins à des formes de sociologisme. Et donc, pour revenir rapidement sur ce que Bernard Pudal n'a pas évoqué, parce que c'était pas son affaire, juste pour resituer peut-être dans le moment historiographique de Ginsburg. Justement, Ginsburg, tu t'as situé un certain nombre de choses, mais peut-être dire aussi qu'il s'oppose vraiment à toute cette histoire sociologisante, au sens où elle est labroussienne, enfin une certaine histoire, qui réinscrit chaque fois un cas dans une série, et justement et donc qui ramène au fond le cas à la norme, qui interprète le singulier par la normalité, donc qui ramènerait l'hérésie de Menocchio c'est pas fait justement, mais à une culture populaire voilà, plus générale. Et justement, le fromage et les vers, il vient après. Notamment après les Benedetti, moi aussi j'ai du mal, mais du reste, Ginsburg lui-même dit que personne ne savait ce que c'était, lui-même, quand la première fois qu'il a vu des archives des Benedetti, il ne savait pas ce que c'était, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les inquisiteurs eux-mêmes ne savaient pas ce que c'était que ces Benedetti, et que c'est ça, au fond, c'est cette étrangeté absolue du discours que tenaient ces Benedetti qui a permis qu'ils ne soient pas immédiatement réduits par le discours des inquisiteurs. Parce qu'en fait, il les laissait parler en essayant au fond de saisir quelque part. Et en fait, comme tu l'as dit, ils ont fini par leur réimposer le schéma, c'est toi qui connais le schéma des sorcières, du sabbat des sorcières, alors qu'ils parlaient d'autres choses. Mais ça a pris longtemps, ça a pris plusieurs, au fond, plusieurs générations, et dans son livre, il essaye de tracer ça. Et donc, quand Ginsburg trouve le dossier Menocchio, il a déjà cette idée qu'on peut entendre dans des textes quelque chose qui serait pas réductible à la norme, et qu'on peut entendre des voix qui seraient pas seulement des voix constituées par la répression. Et alors, j'ai juste pensé en t'écoutant, parce que tu disais, il n'y a pas d'historien dans le Grignon et Passeron. C'est bizarre. Puis moi, je me disais, il n'y a pas de certo dans ce que dit Ginsburg. Donc, je ne sais pas quelle est sa. Non, j'ai pas revérifié. Hein, c'est l'invention du quotidien, c'est quand? Je dirais que c'est 74 ou 76, c'est quelque chose comme ça. Sur la boutique de mort, c'est le 75. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, je trouve. Bon. Voilà, de Certeau, il est dans ce mouvement où, il me semble, où la voix populaire, elle est constituée par sa répression. Enfin, elle trouve des chemins, mais c'est le mouvement de normalisation l'atteint d'abord, alors qu'en fait. Il y a quelque chose, il y a un geste, je trouve, fort et assez courageux chez Ginsburg de dire, ben, vous allez penser que c'est naïf, mais je pense qu'il y a des voies pures. En fait, quelque part, il assume de dire, oui, j'entends, j'arrive à entendre dans ce qu'il appelle un mécanisme de dialogisme. Hein, c'est-à-dire, il y a des textes où, en fait, on peut, des textes, bien sûr, qui sont des textes des élites, de la répression, mais qui laissent surgir un peu de ça une voix pure. Et je crois, toute liste, au fond, il le cite. Et qu'est-ce qu'il dit alors? C'est dans la bibliographie associée à la préface. Ah oui, d'accord. Après le roi de Durie, le roman de. Le roman, etc., Thompson, et. Ici, ça va être ici. Un groupe de chercheurs en train de se demander, de Certeau, Julia Revel, à côté de moi, le Conseil de culture populaire, la politique de police, Régis Foucault, il était quand même en. Non, je ne dis pas qu'il le connaît pas, mais voilà, il s'y entend. Je pense que ce n'est pas la même, quand tu disais. Ouais. Ce qui l'intéresse, c'est le concept d'appropriation. C'est pas la même chose que ce que fait de Certeau. Alors dans le fromage et les vers, là, tu rappelais, les inquisiteurs aussi sont stupéfaits. Ils sont stupéfaits, et c'est ça qui fait qu'on a ce texte exceptionnel. Bon, alors du coup. Je pense que cette histoire de l'exceptionnel, c'est vraiment important, y compris peut-être pour comprendre cette histoire de dignité et de dignification. Il y a deux choses, tu as parlé de deux choses, de dignité et de dignification. Je pense que c'est vraiment important. Moi, je comprends les doutes sur cette histoire de projection de catégories politiques sur cette pensée, mais. Je pense que c'est central, c'est-à-dire d'arriver à penser qu'on doit mettre sur le même plan et qu'on peut, au fond, analyser avec les mêmes outils et des idées populaires et des idées qui viennent des élites. Et alors, je me rends compte que moi, j'avais souvent pensé ensemble, mais sans jamais faire le lien, Ginsburg et Rancière. Et j'ai découvert récemment qu'en fait, Rancière a écrit un texte sur Ginsburg qui est un très beau texte, qui est un texte. Dans le débat. Un texte assez récent. C'est sur l'inaugure. sur, ouais, sur Menocchio, sur Menocchio, et où il s'intéresse à la question de la normalité, de l'imposition sociologique, et puis de ce que c'est qu'une souffrance. Mais je trouve là, sur la question de la dignification, il ne parle pas de cette question de dignification, mais dans les textes de la Nuit des prolétaires, il y a la même chose, il y a vraiment la mise sur le même plan des textes de la philosophie et des textes de ces écrivains ouvriers de la nuit. Donc ça, je trouve que c'est important. Et alors, ça, je pense que ça rejoint la question centrale, même centrale dans ce que dit Rancière aussi, de la dignité même des sujets. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait peut-être que ces sujets sont différents, extraordinaires, non pas qu'ils aient une culture particulière, mais une culture qu'ils articulent autrement. Et pourquoi est-ce qu'ils l'articulent autrement? Peut-être parce que ils ont... et ça serait le côté vraiment singulier de la chose, ils ont un rapport autre à leur dignité. Et moi, ce qui m'avait frappé la première fois que j'avais lu Le fromage et l'hiver, c'était, parce que j'étais là-dedans à ce moment-là, les revendications de dignité. C'est-à-dire quand même, c'est parfois, si on commence à le regarder, on se dit, mais Menocchio, il a un peu la grosse tête, quoi. Tout ça, mais je les ai tirés de mon cerveau. On lui dit, mais on essaye de lui faire avouer. Et c'est pas qu'il veut pas dénoncer, mais c'est qu'il veut aussi assumer son propos. Donc je les ai tirés de mon cerveau, j'ai le cerveau subtil, et même dire je veux parler de ça au pape et à l'empereur. Et ça, c'est des choses qui m'avaient intéressée parce que au 18e, j'ai trouvé ce genre de revendications chez un certain nombre de sujets. Et à chaque fois, bien sûr, c'est des gens qui revendiquent cette dignité. Au risque de leur propre destruction. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et du coup, la question de la distinction qui intéresse Chartier pour la culture des élites. À chaque fois qu'il y a divulgation, en fait, il y a aussi distinction. En fait, cette distinction, elle fonctionne aussi au sein du monde populaire. C'est-à-dire que le monde populaire n'est pas justement un tout homogène. Il y a des formes de distinction. Et peut-être, il y a d'ailleurs tout un... Voilà, peut-être que Menocchio, il est aussi dans un travail de distinction dans son village. Il dit bien d'ailleurs que devant les juges, il dit oui, je suis pauvre et tout. Mais en fait, il n'est pas du tout pauvre. Et il exerce une sorte d'emprise quand même sur son village. Alors après, sinon, je sais qu'il y a une... en fait, sur Chartier, Chartier a invité... si vous l'avez vu, tu as peut-être vu, je ne sais pas qui avait préparé. Chartier a invité Ginsburg l'année dernière au Collège de France. Et donc, je pense qu'il faut... ça doit être génial. J'ai pas eu le temps de voir. Il y a 4 heures de conférence de Ginsburg au Collège de France. J'imagine que c'est sur le site du Collège de France. Oui, c'est sur le site du Collège de France. T'as vu, c'est pas que ça soit pas accessible à tout le monde. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, enfin, j'ai rien de... Je voulais te dire une dernière chose, mais là qui est... Oui, dans son entreprise de dignification, je disais, Bernard, en fait, ce qui manque, c'est les médiations. Ça, je sais pas, parce que quand même j'ai l'impression qu'il réfléchit vraiment à une circulation qui serait très complexe, donc c'est une chaîne extrêmement longue, et en même temps il résout jamais la tension, c'est ça qui fait la subtilité, je trouve, entre ce qui relève de l'ontogénèse et ce qui relève de la phylogénèse. Mais c'est quelque chose qui reste en tension dans son texte, mais je trouve qu'il le prend en compte, qui fait qu'à la fois il tient l'histoire du monde, l'histoire d'une sorte de diffusion, même si... pas au sens de diffusionnisme, mais une sorte de circulation des idées, et l'inventivité, comme tu disais, l'appropriation. Ça, c'est très important. Voilà, c'est, peut-être je ne veux pas... Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. On est dans la même réflexion, c'est pas simple. Juste un peu bon, sur la vinification, oui, c'est vrai que je suis un peu. Moi, je suis moins. Même comme Bourdieu, j'ai un passage de Bourdieu parle du matérialisme spontané des classes populaires, du scepticisme, du matérialisme sceptique, etc. Oui. Là, on a affaire à une catégorie qui, justement, permet de manger quand même des choses très différentes. Je me demande d'avoir beaucoup près, je comprends bien l'entreprise de réhabilitation de la pensée, des pensées populaires. On est obligé, de toute façon, de le faire, parce que. Mais bon. Et sur le cerveau, juste un point, dans la citation que j'ai faite, les deux couples émotionnels, je ne l'ai pas dit, je l'avais dans mon texte, mais je ne l'ai pas dit à l'oral, quand Charpé parle de tactique, ça renvoie directement à de cerveau, tactique, stratégie, oui. Et ça, c'est aussi un couple de notions qui est très utile, quoi, hein, puisque la tactique, c'est du côté de l'inventivité des acteurs, des appropriations spécifiques, etc., et de leur usage, des entreprises relatives de subversion, des dispositifs disciplinaires. Et donc là, de certains, en fait, est tout à fait présent à certains égards. Oui, alors, l'antisociologisme de Ginsburg, c'est l'antisociologisme, qui est maintenant relativement dénoncé, en tout cas dénoncé comme problématique d'une certaine époque de l'histoire sociale en France, de l'antisocialisme, etc. Et sinon, je ne sais pas si j'ai deux mots. Sur aujourd'hui, en gros, où on en est, avec plutôt populaire, ça, je ne sais pas, en gros, il n'y a pas beaucoup de travaux sur le populaire aujourd'hui. En histoire, tout à fait. Mais il y a des choses qui se font quand même, mais à mon avis pas tellement dans la veine de Ginsburg, plutôt dans une veine pragmatiste, c'est-à-dire plutôt des gens qui se revendiquent de Cerruti, donc qui ont Simona Cerruti, qui fait partie aussi de la micro-histoire italienne, donc il y a un certain nombre d'acquaintances avec Ginsburg, mais qui a une manière complètement autre de comprendre les sources, et notamment les sources judiciaires, je pense qu'elle sort beaucoup plus d'une confrontation, parce que le dialogisme, ça reste quand même, c'est quand même quelqu'un qui vient d'une pensée de la lutte des classes, et Cerruti, elle en sort en voyant comment les sources peuvent être donc non pas seulement le discours, mais vraiment les institutions productrices des sources peuvent être instrumentalisées, utilisées par ceux qui ont l'air d'en être les victimes. Donc, je pense que c'est plutôt ça la veine actuellement. En histoire, en sociaux, c'est l'ethnographie politique. C'est-à-dire, manifestement, il y a quand même mieux. Hein. Je faisais justement le bilan rapidement, on va de plus en plus pour essayer de repérer les formes spécifiques d'inventivité politique, de pensée autonome, etc. etc. Ben, il faut, dans une certaine mesure, se passer des sources. On travaillait jusqu'à présent, le propre de l'ethnographie, mais pas au sens mou, au sens plein d'une immersion de longue durée, parce que c'est je crois, compliqué. Et là, c'est pas mal de choses qui sont en train de se faire. On y va, par étapes. Il y a plusieurs types de travaux en sociologie, je crois, c'est ça. Là, quand même, j'ai l'impression qu'on a beaucoup pas évolué au niveau du cadre analytique, à certains égards, mais beaucoup évolué dans les travaux réalisés. Là, je ne sais pas le travail de Christelle Amil sur les aides à domicile, je pourrais faire une liste sans arrêt, sans fin, donc, presque. Là, il y a quand même beaucoup de choses. Mais mon idée, bon, tu me dis le pragmatisme, mais comme je ne connais pas, tu as peut-être raison, j'ai pas de voir une enquête qui me convainc. Mais j'ai l'impression quand même que fondamentalement, ce tournant, à cause de ces années 80, n'a pas tellement débris, quoi. Ça va encore beaucoup de si. Il continue à projeter sa lumière. Ou la saison, plutôt. Non, je suis d'accord. Non, on pourrait revenir. En plus, mais je suis pas tout à fait au clair là-dessus. L'autre branche, un peu des travaux, c'est il y a peut-être des gens qui connaissent mieux que moi d'ailleurs. C'est les travaux américains de Marcus Rediker, Limbo, des gens comme ça. Rediker, c'est quelqu'un qui a un peu la le même rapport au texte que Ginsburg, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a un fort intérêt pour les récits populaires, notamment liés à des raisons biographiques, et qui essaye d'en traquer les restes, hein, ça et là, les récits de pirates, des choses comme ça, impressionniste et poétique, c'est-à-dire qu'il fait un travail de comme Ginsburg aussi, c'est-à-dire de trouver une forme de vérité dans une poétique en extirpant cette vie des pirates, notamment, c'est le seul livre que je connais, de toute l'histoire officielle et de tous les récits qui les ont écrasés. Ça peut se rattacher un peu. Je vais pas citer ça. Ce que j'ai soumis pendant quelques temps, le séminaire de Roger Char, qui est, je regrette que le livre de Janice Radway, Reading the Romance, n'ait jamais été traduit. Là, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire, c'était comment comprendre que des femmes classe moyenne américaine puissent faire, elles, des différences dans des romans de femmes, entre guillemets, qui étaient largement diffusés, etc., et où même les maisons d'édition n'arrivaient pas à faire les différences entre les textes. Donc, petit à petit, c'est une espèce de lectrice auto-proclamée qui était vendeuse dans une librairie d'une ville dans laquelle Janice Radway enquêtait, et qui est devenue le critique littéraire des maisons d'édition, parce qu'ils n'avaient pas de critique littéraire, ils étaient trop intello, les autres. Ils n'avaient pas fait la différence entre, je ne sais pas, Marquise des Anges, enfin, ce genre de littérature. Et c'est une enquête vraiment superbe sur, justement, des tactiques d'usage de textes qui sont, en l'occurrence, des romans qui sont politiques. C'est-à-dire que ce qui est en jeu derrière les lectures que ces femmes de classe moyenne américaine font, etc., le mode sur lequel elles s'approprient, le mode sur lequel elles choisissent dans cet univers que nous ne serions pas différenciés, c'est très lié à leur gestion de la domination masculine. Et ça, là, le sens, là, par exemple, c'est là que ce que disent Guido Pascon sur le sens des mots, hein, c'est une littérature d'évasion, ben, il faut prendre le nouveau sens du terme, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de s'évader aussi, de formes de domination, etc. Ça, c'est une très belle enquête, et il faut citer, quand même, pour ceux que ça intéresse, le travail d'Anne Barrientès, le roman du quotidien, etc. Mm. Là, il y a quand même. C'est des usages qui sont faits par des lecteurs en particulier, d'autres, des textes, des subversifs. Non, mais je ne connais pas par contre le truc. Non, je ne sais jamais ce que ça veut dire. J'ai des questions peut-être dans la salle, le reste de la salle. Remarque. Ok, oui. En fait, j'ai deux remarques, donc vis-à-vis des questions liées pour partie aux échanges qu'il y a eu. Alors, le premier élément, c'est une forme de paradoxe dans la lecture que Déborah propose du fait qu'on parle de Ginsburg aujourd'hui, puisqu'elle nous dit que en fait, ça nous intéresserait parce que c'est anti-sociologie, donc c'est logique pour la science politique, alors que précisément, le prince, c'est un petit peu ce qui était dit. Alors que précisément ici, l'idée c'est précisément d'essayer, si j'ai bien compris, de sociologie l'histoire des idées politiques. Si bien que ça peut sembler paradoxal qu'on aille chercher un texte qui précisément aille à l'encontre d'une tendance à sociologiser les idées en général, que d'aller vers un texte comme ça. Donc je me dis, c'est peut-être pas pour ça que ça peut nous intéresser, ou que ça peut intéresser ceux qui ont organisé cette séance. Alors, j'ai deux pistes, mais qui ont leur... La première piste, c'est s'interroger, est-ce qu'il n'y aurait pas une spécificité liée au caractère plus ou moins irréductible ou non de la pensée des idées pour des chercheurs. C'est très difficile pour des chercheurs de se dire que finalement, les idées, c'est quelque chose qui serait totalement déterminé sociologiquement et que nous-mêmes, nous ne serions pas autonomes quand... Ah, je suis en train de parler, c'est moi qui parle, ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas mon habitude. Liberté, j'aurais pu ne rien dire. Et pourtant, pour le dire autrement, en gros, c'est l'idée que ce serait peut-être particulièrement difficile de mettre de côté ce qu'on appelle l'agency quand on parle des idées, qu'on est soi-même chercheur, un petit peu comme en sociologie des mobilisations, on a pu mettre en évidence le fait que on a été amené à reprendre en compte la place de l'agency au moment où les chercheurs ont commencé à se mobiliser eux-mêmes en se disant bah non, mais pas expliquer le fait qu'on se mobilise par le fait qu'on soit poussé par des passions, des choses comme ça, c'est nous. Donc une forme d'auto-analyse de nous-mêmes. La deuxième piste, c'est plutôt du côté du souci. Alors, à mon avis, la deuxième piste est celle qui est la plus explicite, la première est la plus implicite. C'est le souci de ne pas prendre en compte que les grandes idées, c'est-à-dire que précisément, comme ça a été dit, l'histoire des idées telle qu'on la conçoit traditionnellement, c'est une histoire des grandes idées. Et donc, ce qui est intéressant dans le texte de Ginsburg, c'est que ça permet de réfléchir à, finalement, comment on fait pour prendre en compte des idées qui ne soient pas celles des grands auteurs, avec ensuite le souci de comment on fait le partage entre ce qui serait sociologique, et ça suppose d'avoir des éléments sur les auteurs, et ce contexte, et ce qui serait autonome. Donc ça, c'est ma première remarque, qui m'amène à la deuxième remarque, là aussi liée au commentaire. Le commentaire, c'était sur le courage de Ginsburg de faire cet ouvrage à un moment où domine une histoire. Voilà. Alors, c'est tout. Le courage de Ginsburg, il me semble qu'on pourrait le comparer à celui de Menocchio, parce que finalement, Ginsburg est l'auteur d'une forme d'hérésie, avec une lecture agressive des textes. Et en plus, on n'a quasi rien sur l'individu lui-même, puisqu'on en a parlé. Et dès lors, on a tendance à autonomiser le geste de Ginsburg en le présentant comme quelque chose, un courage, un acte, quelque chose comme ça. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas sociologiser le geste de Ginsburg et dès lors, sociologiser l'histoire des idées, tout en sociologisant l'histoire des idées, en réfléchissant sur la trajectoire, les trajectoires collectives, les trajectoires personnelles. Donc, c'est intéressant la présentation des différentes lectures parallèle, différente, avec des concepts différents, mais qui a lieu au même moment, parce qu'il est supposé qu'il y a peut-être des facteurs sociologiques généraux qui permettraient de rendre compte que dans différents secteurs apparaissent les lectures. Il pourrait y avoir des traducteurs personnels, c'est la lecture que nous fait Bernard, avec une forme de syncrétisme, alors qu'il ne va pas juste au pragmatisme, mais qui... et qui n'a pas toujours été similaire. Voilà, c'était donc les deux points d'accroche, qui les deux se rattachent, puisque derrière, c'est cette histoire, en tout cas l'idée de sociologiser l'histoire des idées au moment où on essaie de sociologiser l'histoire des idées, mais qui laisse supposer qu'il y a quand même des formes d'autonomie. En tout cas, parfois c'est difficile de sociologiser jusqu'au bout. Oui, non, alors sur sociologiser le geste de Ginsburg, en fait, Ginsburg, c'est quelqu'un qui est hyper attentif à analyser lui-même les raisons de son écriture, les moments de son écriture, son insertion dans des contextes collectifs, etc. Le rapport entre ce qu'il écrit et sa trajectoire, non seulement intellectuelle, mais aussi affective, familiale. Donc il le fait lui-même. C'est pas sociologique, hein. C'est une histoire des idées, et une histoire de la jeunesse. Voilà, je pense qu'il y a toujours chez lui quelque chose qui est à la fois une jeunesse individuelle. J'ai écrit ça parce que mon papa a été emprisonné pendant la guerre, parce que ma maman était Natalia Gainsbourg, etc. Et puis une jeunesse collective. J'ai écrit ça parce que j'ai discuté avec Carlo Levi, avec Simone. Donc c'est je crois que c'est non, sociologiquement non, il se situe pas, enfin, je sais pas si d'autres ont vu ces détails, il se situe pas sociologiquement, mais par contre c'est une histoire des idées, ouais, une sociogénèse, hein, ou une phylogénèse et une ontogénèse, quoi. Ouais, faut reprendre vraiment, je pense que des choses qui sont importantes pour lui. Et donc pourquoi on lit Ginsburg, plutôt parce qu'on veut penser à un agency? Oui, je trouve ça intéressant. Moi, je trouve ça, en effet. Après, sur ne pas prendre en compte que les grandes idées, je ne sais pas ce que c'est les grandes idées, je trouve que c'est une assez grande idée de penser que le monde est comme un fromage. Hein. Mais j'ai bien pris soin en ce qui me concerne de surtout pas parler des problèmes que pose la sociologie du peuple. C'est en effet écran. Mais bon, bien sûr, on ne peut pas ne pas avoir en tête les accusations croisées, avez-vous dit populaire, les usages du peuple, si vous voulez, les phrases assassines, etc. Donc, bon, ça serait à faire, mais c'est l'autonomie de notre milieu, de notre rapport, tout ça. Là, je ne voulais surtout pas parler de ça. Sinon, ça nous emmènerait très mal. Que Ginsburg n'ait pas dans sa tête une façon sociologique de faire le travail qu'il fait, n'empêche pas certains sociologues de se reconnaître dans le travail qu'ils font. C'était ça mon point de vue. Chartier, par exemple, fait exactement la même chose, c'est un même petit paradigme. Il est dans des rapports avec la sociologie qui sont beaucoup plus complices, notamment avec les dieux, avec les concepts comme le concept de représentation, qui répond en partie à la question de M. Contamin sur les différents états de matière des idées. Quand on lit les trois étages du concept de représentation sur lequel Chartier est revenu à différentes reprises, c'est cette affaire-là qui est en jeu. Mais bon, ça nous entendrait un peu plus loin. Je continue à militer pour l'Alliance. Et puis, contrairement à le dernier point, auto-socio-analytique, j'ai toujours été sur cette position. Parce que j'ai eu la chance de faire ma thèse à une époque où je ne connaissais pas le milieu. Du tout. Et donc, j'ai pu lire Annick Riegel en y trouvant beaucoup d'intérêt. Il est évident que le jour où j'ai connu Annick Riegel à son séminaire, sa réputation et la manière dont elle m'a accueilli en terminant le séminaire en me disant « Monsieur Pudal, vous ne serez jamais professeur de sciences politiques. » Je crois que si j'avais connu comme ça avant, j'aurais eu du mal à trouver de l'intérêt à son texte. Donc, je conseille l'enfermement en province et loin du milieu, parce que ça libère un petit peu les capacités à trouver de l'intérêt à des gens détestables. Dans un langage qui n'est pas le sien. Si je peux ajouter un petit mot, ce que vous appelez agency, je ne crois pas que ce soit nécessairement le libre arbitre. J'ai l'impression que vous reproduisiez la notion d'agency et une sorte de résidu acceptable dans l'éthique des sciences sociales du libre arbitre. Et j'ai pas lu Ginsburg et sa démonstration dans le fromage et les verres comme une démonstration, hein, une réhabilitation du libre arbitre de Ménocu, mais plutôt comme une analyse très serrée, très fine, des déterminations de son agency, de son autonomie, de sa créativité, de son inventivité. Il a fait bien, il a constitué la bibliothèque de Ginsburg comme une enquête policière, avec sans doute beaucoup de scie, de part d'hypothétique qui est vraiment importante. Parce que on n'a pas parlé de ça, mais il sait pas. C'est un meunier, enfin, tu l'as un petit peu évoqué, c'est un meunier, donc c'est un paysan, mais c'est pas n'importe quel type de paysan. C'est un paysan aisé, voilà, et c'est un paysan qui est pas trop, qui est un peu à la fois un peu de table. Dans son village, notable visé dans son village, et en même temps pas très aimé comme tous les meuniers, et le moulin, comme son nom l'indique, c'est un lieu de circulation. Il sait lire. Il sait lire. Il a des livres, il en a eu. Donc voilà, il a, on peut en faire la lecture, peut-être, je sais pas, si c'est pas sociologique ou macro, sociologique ou la sociologie de l'histoire sociale des annales, en fait, parce que je crois que c'est ça. Oui, non, je ne veux pas dire qu'il le sort comme ça, qu'il est hors sol et qu'il n'y a pas de... On est plus proche ouais, de micro-sociologie, ça peut être, je ne sais pas si c'est correctiste. Ils ont lu comme ça, quand même, je pense que c'est le plus meilleur. En France, il y a blog. Non. Mon monoclama, quand je me trompe, comme d'habitude, parmi ça ne vient pas de nulle part. Il y a quand même là... probablement, il faudrait être un historien de l'histoire. Ah non, mais il y a sûrement. Mais c'est intéressant ce qu'il a répondu. C'est-à-dire que c'est pas pareil de dire j'ai rencontré un ensemble de personnes qui font que. Ou j'ai un ensemble de livres, que de faire avec. Mais parce que aussi, c'est plus difficile de le faire sur des acteurs du passé et en plus des acteurs sur lesquels on n'a pas beaucoup écrit, d'en savoir plus sur l'ensemble des influences qui peuvent. Je propose peut-être de laisser la parole à Laurent parce que le temps va bientôt nous manquer. On va certainement devoir reporter les discussions sur le manuel, c'est pas grave, hein, c'est pour une prochaine fois. On t'invitera à ce moment-là, Bernard, pour reporter la discussion sur le projet de manuel d'histoire. C'est un petit peu plus d'une heure, je pense que ça devrait s'en faire. Ok, merci beaucoup. D'accord, merci pour cette invitation. Et je vais porter un regard beaucoup moins érudit que celui qu'a porté Bernard sur Ginsburg. Plutôt en réfléchissant sur d'un point de vue sociologique, comment on peut rencontrer Ginsburg dans son travail au fond et en quoi les travaux de Ginsburg, le bouquin qu'a présenté Bernard, mais aussi d'autres ouvrages de Ginsburg, peuvent être intéressants pour quelqu'un qui travaille sur les logiques d'antiterrorisme. Sont mes chantiers actuels. Alors, je vous demande votre indulgence, puisque évidemment, c'est un travail qui est en cours, qui n'est pas abouti, donc c'est plutôt sous forme de réflexion de séminaire plutôt que de grandes conclusions. Alors, le point de départ, si vous voulez, c'est en lisant Ginsburg, c'est qu'à mon avis, on peut faire deux lectures des travaux de Ginsburg, notamment, on a beaucoup débattu de la première, c'est-à-dire au fond, Ginsburg assume l'idée que sur des populations subalternes, dont il ne reste pas grand-chose, on peut utiliser les procès, finalement, comme un accès leur représentation du monde, ce qu'ils disent. Voilà. Au fond, c'est une source, dit-il, et il le dit d'ailleurs sans aucun embâge, il dit très clairement, il dit de toute façon, tout accès au passé n'est jamais direct, il est toujours médié par un certain nombre de choses, et donc, a priori, les sources judiciaires ne sont pas plus mauvaises qu'autre chose pour accéder à des populations dont on ne sait pas grand-chose. Bon. Ça, c'est le premier élément. La deuxième lecture qu'on peut faire des travaux de Ginsburg, c'est au fond tout le processus judiciaire, c'est-à-dire au fond le travail d'un certain nombre d'agents d'institutions pour précisément normaliser ces pratiques ou normer ou ces pratiques populaires caractérisées, qualifiées de déviantes. Et au fond, ce qu'on voit dans les procès auxquels il travaille, c'est notamment toute une activité judiciaire pour lutter contre l'hérésie. L'hérésie, au fond, si on le redéfinit, c'est tout simplement des pratiques et des croyances qui achoppent avec l'ordre politique, l'ordre social et l'ordre symbolique dominant. Et évidemment, et pourquoi je dis que ça achoppe, ça achoppe d'autant plus qu'il y a procès. Au fond, la preuve la plus évidente que ça achoppe, c'est qu'on juge des gens pour ça, et dans le cas de Menocchio, par exemple, on les exécute, ce qui est quand même une manière assez définitive de signifier que c'est une hérésie. Alors, ce qui est intéressant, à mon avis, notamment dans les travaux de Ginsburg, c'est que, précisément, c'est pas n'importe quel tribunal qu'il étudie. Il étudie les tribunaux de l'Inquisition. Bon. Et les tribunaux de l'Inquisition, c'est pas n'importe quoi. C'est précisément des tribunaux qui ont été constitués historiquement, précisément pour réprimer, des tribunaux spécifiques, qui ont été constitués historiquement pour réprimer les croyances déviantes et réaffirmer le dogme. Bon. L'institution, si vous voulez, l'Inquisition, pardon, ça vise spécifiquement la subversion. C'est une institution qui vise précisément, explicitement, la subversion. Et c'est d'ailleurs par hasard, je pense que c'est sans doute intéressant, et on revient, vous voyez, sur les points sociologiques, que ce soit l'une des premières institutions de justice centralisées. L'Inquisition, au départ, c'est pas des justices locales, c'est au départ des gens qui sont envoyés dans un certain nombre de localités, c'est des tribunaux itinérants au départ qui jugent les gens, donc vous avez une centralisation très précoce. Par la suite, vous avez son institutionnalisation, notamment en Espagne, etc. On pourrait retracer, si vous voulez, l'histoire de ces tribunaux spéciaux, mais qui arrivent sur des questions très contemporaines, vous allez le voir, évidemment, sur il existe des formes de justice spécifiques sur les questions de subversion. Je renvoie dans les travaux très récents qui viennent de sortir au bouquin de Vanessa Codaccioni, pardon, sur la justice d'exception, hein, sur les tribunaux, la Cour de sûreté de l'État en France. Bref. On a donc, je disais, des cours, enfin des institutions spécialisées sur la subversion. Et évidemment, dès lors qu'on trouve dans des travaux historiques des institutions spécialisées sur la subversion, vous dites bien que des gens qui travaillent sur les services de renseignement et sur le terrorisme, évidemment, dressent l'oreille immédiatement. Et évidemment, c'est un peu comme ça qu'on peut rentrer, si vous voulez, sur Ginsburg à partir de terrains très contemporains, puisqu'au fond, ma rencontre avec Ginsburg, vous allez voir, c'est des questions, c'est des vraiment des problématiques, des questionnements de recherche. C'est à un moment donné, j'ai des questions que je me pose, et Ginsburg, je pense, sous un certain point, permet d'apporter un certain nombre de réponses, même si, effectivement, on peut amener un certain nombre de critiques. Alors, le parallèle entre ces dimensions de l'Inquisition, des procès que fait Ginsburg, et des questions d'antiterrorisme contemporain, d'ailleurs pas si difficile à faire, puisque Ginsburg lui-même le fait. Alors, c'est bon, non, on est ennuyé, on pourrait dire, tiens, je suis très malin, je suis un truc super, mais non, en fait, l'auteur lui-même le fait, donc évidemment, on perd un peu de crédit, et il le fait notamment quand il s'engage politiquement dans le procès de Sofri, qui est l'un de ses amis. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, donc Sofri était l'un des responsables de l'Ota Continua en Italie dans les années 70, et il est accusé d'être l'un des auteurs intellectuels de l'assassinat d'un commissaire de police, le commissaire Calabresi, à Milan en mai 72. C'est-à-dire qu'il est incriminé dans un procès, quelqu'un dit c'est lui qui a donné l'ordre, donc Sofri va être jugé, pardon, va être d'ailleurs condamné, et Ginsburg, comme souvent des intellectuels, prend parti dans son procès, donc complètement en vain. Ça, c'est normal, mais à cet égard, il écrit un bouquin qui s'appelle Le juge et l'historien, dans lequel il commence, je vais le citer, il dit, voilà, au fond, un léger dépaysement. Voilà la première sensation qu'éprouve celui qui, habitué en raison de son travail à lire les procès de l'Inquisition, commence à lire les actes de l'instruction du procès Sofri. Il dit dépaysement parce que les documents ont, contre toute attente, une physionomie curieusement familière. Bon. Alors, ce qui est intéressant dans ce point de départ, si vous voulez, c'est qu'au fond, on a d'une part des institutions qui s'inscrivent, je vous disais, dans finalement la normalisation de la subversion, dans la question de la subversion, je vais revenir là-dessus, on peut sociologiser cette question. Deuxièmement, des formes de documents, enfin, qui ont en tout cas des éléments de parenté. Et je pense qu'il y a au moins deux éléments qu'on peut tirer de cela de manière contemporaine, avec deux dimensions qui sont, semblerait, structurantes à la fois des procès de l'Inquisition et des procès contemporains tels qu'il les définit par Sofri ou tels qu'on peut les observer sur une autre chose. C'est un mode de raisonnement et d'administration de la preuve. C'est-à-dire qu'au fond, sur ce terrain-là, on va voir que Ginsburg est intéressant, c'est-à-dire qu'il décrit assez finement les modes de raisonnement des inquisiteurs et leur mode d'administration de la preuve. Comment démontre-t-on que des gens sont des hérétiques? C'est un point tout à fait important. Et le deuxième, c'est comment ces inquisiteurs font un travail pour reformuler les hérésies qui leur sont soumises dans les catégories légitimes de l'ordre politique et social du moment. Je crois que c'est Arnaud qui commençait tout à l'heure, dans les batailles nocturnes, c'est fantastique, ça raconte quoi? Ça raconte des pauvres inquisiteurs qui tombent sur des paysans qui en fait font des sortes de cérémonies nocturnes, avec tout ça de rites magiques, pour non pas faire de la sorcellerie, mais combattre les sorcières. Non, alors comment est-ce que vous êtes un inquisiteur, comment vous gérez des gens qui, a priori, sont du bon côté, hein, ils sont du côté du bien, ils détestent les sorcières, ils les combattent, mais en même temps, ils ont des rites qui sont qualifiés, que vous pourriez qualifier de sorcellerie. Bon. Et tout le bouquin est sur, au fond, l'ambiguïté, et comment les inquisiteurs essaient de reformuler, voyez, le problème pour qu'au fond, ça cadre dans la question de la sorcellerie. Alors, je ne vais pas vous parler de sorcières, je vous rassure, on n'est plus là sur l'antithéorie contemporain, mais on a un certain nombre de choses qui, à mon avis, sont similaires. Alors, les travaux que j'aimerais vous présenter reposent sur plusieurs terrains d'enquête. Un que j'ai commencé il y a de longues années déjà, à la fin des années 90, qui est, au fond, le travail de comment certains services de police, qui sont des services de renseignement, s'occupent des questions de subversion. Au fond, comment, si vous voulez, on a en France et en Europe des pays, des services dont le métier, si vous voulez, est de lutter sur les questions des formes diverses de subversion à l'ordre politique et social, les renseignements généraux, la direction de la sûreté du territoire, aujourd'hui la direction générale de la sécurité intérieure, bon, il y a ce type de service. Et j'ai eu l'occasion notamment de faire des séries d'entretiens avec des agents de comment est-ce qu'on écrit des notes de renseignement, par exemple. C'est-à-dire comment est-ce qu'on collecte de l'information, comment ensuite cette information est mise en forme, comment est-ce qu'on fabrique un récit sur un certain nombre de choses. Et j'aimerais dans mon exposé vous donner un ou deux exemples. Et vous verrez que les travaux de Ginsburg sont tout à fait éclairants pour comprendre ce travail de fabrication. Et le deuxième terrain qui est celui-là, qui est beaucoup plus récent, qui est commencé depuis quelques mois maintenant, c'est un travail sur les dossiers antiterroristes du TGI de Paris, c'est-à-dire du tribunal de grande instance de Paris, qui a le monopole en France des affaires antiterroristes. Et donc j'ai accès à un certain nombre de dossiers en matière de terrorisme, qu'il s'agisse d'affaires terroristes liées aux questions séparatistes, basques, corses, etc., qu'il s'agisse de questions d'extrême droite ou d'extrême gauche, bien sûr de djihad ou de terrorisme islamiste, et toute une série de dossiers liés aux questions de départ-retour vers la Syrie, qui sont, etc., donc, auxquels je reviendrai dans un instant. Bon, accès à l'ensemble des documents de ces rapports, c'est souvent très gros dossiers, hein, ça peut faire 90, 100 tomes, c'est assez important, mais notamment, un des grands intérêts, c'est de compulser ces dossiers et de voir ensuite comment un juge d'instruction fabrique, si vous voulez, dans son réquisitoire final, au fond, qu'est-ce qu'il retient comme élément, comment est-ce qu'il relie entre eux les éléments. Et vous verrez que là encore, évidemment, les travaux de Ginsburg sont tout à fait utiles pour voir comment on fabrique, à partir d'un certain nombre de traces, c'est-à-dire d'éléments épars collectés par les enquêteurs, une vérité judiciaire, ayant pour définition, au final, d'amener à une culpabilité, ou en tout cas à une qualification judiciaire. Alors, ça c'est le cadrage de ce que j'aimerais vous présenter. Alors, premier élément, ce que je voudrais vous dire, c'est que, au fond, les premières similitudes qu'on peut faire avec le travail de Ginsburg, c'est comment, et là on revient à la sociologie, c'est que le monde dont je suis en train de vous parler, c'est pas un monde abstrait, c'est-à-dire que les gens qui font ce travail-là sont des acteurs sociaux particuliers, identifiables. Il y a des gens des services de renseignement, il y a des juges antiterroristes, qui sont des gens avec des propriétés particulières, qui appartiennent à des institutions particulières, avec une histoire particulière, qu'on peut faire. On peut faire cette histoire et cette sociologie, et ça c'est tout à fait important, puisque on revient évidemment sur un certain nombre d'acteurs tout à fait concrets. Un monde que je pourrais qualifier de professionnel de la menace, au moins provisoirement. On pourrait essayer de revenir à ça, c'est-à-dire que tout le travail que je vais essayer de vous décrire de ce qu'ils font, il est à replacer avec à la fois un certain nombre de fonctions qu'ils remplissent dans notre société, des formes de socialisation, etc. Alors, je vous disais, c'est un monde professionnel de la menace, tout simplement pour le dire que bon, les menaces, c'est pas quelque chose qui existerait à l'état naturel dans nos sociétés. Au fond, il y a toute une série de faits sociaux objectivement dangereux qui, pendant longtemps, n'ont pas été constitués comme des menaces. Reprenez les travaux de Vigarello sur le viol. Les femmes ont été violées pendant des siècles, je dirais, en grande quantité, sans que ce ne soit un problème pour personne, à part pour les victimes. Et il a fallu attendre, si vous voulez, au moins à la fin du 19e siècle, et même le 20e siècle, pour que ce soit constitué en cause judiciaire plus importante, etc. Les accidents de la route ont été bien plus mortels que toute autre forme de menace sur notre territoire, et ce n'est que depuis une quinzaine d'années que c'est devenu une priorité gouvernementale. Bref, pour vous dire que pas de menace, on pourrait dire, sans des entrepreneurs de cause, au sens de Baker, c'est-à-dire des gens qui vont se mobiliser pour faire exister ces menaces. Mais, parmi ces entrepreneurs de menace, il y a des gens qui ont un rôle ou une position, sans doute un peu différente des autres. Ce sont ceux qui peuvent se prévaloir, notamment d'une autorité d'État, parce que, précisément, ou parce qu'en tout cas, ils sont liés à l'État. Et on va voir que les professionnels de la menace ont, pour l'essentiel, une partie liée à l'autorité de l'État. Alors, évidemment, je ne vais pas ici vous faire l'histoire de l'État, non, bon, les monopoles fiscaux, violences légitimes, bon, etc. Évidemment, je ne vais pas vous faire ça. Mais il est très très clair que dans la construction des discours sur la légitimité de l'État, la question de la sécurité nationale, la sécurité existentielle, sont évidemment au cœur de cette question. Bernard parlait tout à l'heure de la légitimité. La légitimité passe effectivement, en grande partie, par l'intériorisation, en tout cas, de, bon, c'est ce qu'on pourrait appeler le monopole de la violence symbolique, hein. On fait intérioriser ce qui est menaçant pour l'État, etc. Et on se rend compte, au fond, que dans tout ce qui existe au titre de menaces dites collectives, on voit que ce sont, les menaces collectives dans nos sociétés sont, comme par hasard, pourrait-on dire, celles qui mettent radicalement en question l'ordre symbolique que l'État contribue à produire et à reproduire. L'agression militaire, bien sûr, la subversion politique, le séparatisme, les épidémies, les migrations, toutes ces questions-là, vous voyez, questionnent finalement l'ordre politique, social et symbolique des États historiquement constitués. Évidemment, tous les États n'ont pas les mêmes. En France, la tension, par exemple, sur le prosélytisme religieux est clairement liée à l'histoire, si vous voulez, de la construction de l'État et notamment de l'apparition de la laïcité comme structuration, à un moment donné, de la construction de l'État. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, évidemment, au fond, on pourrait faire, si vous voulez, la liste, pratiquement, des milliers d'agents de l'État qui contribuent dans les institutions publiques, la plupart du temps, qui participent directement ou indirectement au maintien de l'ordre symbolique. Parle-t-on des menaces sanitaires? Vous aurez des gens de l'INVS, de veille sanitaire. Parle-t-on des menaces démographiques? Vous aurez des gens de l'INED. Parle-t-on des menaces sécuritaires, vous aurez bien sûr des militaires, des policiers, des gens de service de renseignement, etc. Alors, pourquoi ces gens-là ont une autorité? Ils ont bien sûr une position d'autorité d'État, mais en plus, ils ont accès à quelque chose qui est tout à fait important, un immense capital informationnel. Le savoir statistique d'État, c'est quelque chose qui est tout à fait crucial pour cette activité. Vous pouvez, vous, savoir combien il y a de mosquées salafistes en France? Non, ceux qui ont accès à ça sont évidemment des services de renseignement. Vous savez combien il y a d'immigrés en France? Ben non, il faut passer par l'INED. Ce monopole des chiffres est tout à fait, bien sûr, crucial. Et en plus, je pourrais terminer en disant qu'en plus, une grande partie de cette information sur les menaces est recouverte par le secret. C'est-à-dire qu'en plus, c'est une espèce de propriété spécifique des gens qui peuvent y avoir accès. Et c'est vrai pour les questions de renseignement. Bon, je pourrais rentrer longuement là-dessus, je vais pas le faire. Tout simplement pour vous dire donc, que ces professionnels de la menace, c'est donc souvent des gens qui appartiennent à des institutions très tôt centralisées. Les services de renseignement, la police, elle est restée municipale jusqu'à très tard dans notre pays, hein, 1941 ou 1966, si vous voulez. Les services de renseignement, c'est très tôt centralisé. Et c'est pareil pour la plupart des pays. Les justices antiterroristes sont centralisées, alors que d'autres formes de justice peuvent être très décentralisées. Bon, il y a une centralisation très très précoce. Alors, je vous dis, c'est un petit monde. Pourquoi c'est un petit monde? Parce qu'à la fois, c'est des carrières spécifiques. On est compte que des gens qui sont dans les services de renseignement, ils ne sont pas dans d'autres services. Dans les carrières, si vous faites une sociologie des carrières dans la police nationale, vous vous rendez compte que les gens qui rentrent dans le renseignement restent dans le renseignement. Ils ne passent pas en police judiciaire, par exemple, ce genre de choses. C'est des gens qui, si vous voulez, restent là-dedans. Si vous regardez la spécificité des juges antiterroristes, c'est la même chose. Ce sont des gens qui ont des carrières particulières, qui souvent y restent longtemps, au point d'ailleurs que nombreux d'entre vous sont ceux qui connaissent des noms de juges antiterroristes. C'est beaucoup moins fréquent si je vous parlais de juges des enfants ou de juges des affaires familiales. Vous voyez, vous avez un certain nombre de noms qui deviennent très très publics. Et évidemment, ce sont des carrières relativement spécifiques, puisque ce sont un univers qui est lié par des interdépendances étroites. C'est-à-dire qu'au fond, un juge antiterroriste, quelqu'un du parquet antiterroriste, quelqu'un des responsables des services antiterroristes, sont des gens qui sont, si vous voulez, dans des relations d'interdépendance étroite et dans des relations d'interaction quasi quotidiennes. Alors, il y a quelque chose que l'enquête commence à montrer, c'est-à-dire, y compris, vous avez un taux d'endogamie absolument impressionnant, si vous voulez, entre la justice antiterroriste et les services antiterroristes de renseignement. Vous avez des relations endogamiques très très fortes, qui est sans doute un marqueur de quelque chose. Bon. Alors, ce qui m'intéresse ici, vous croyez que je suis chevalier de Ginsburg, mais non, je re-sociologise le petit monde dans lequel finalement cette pensée à la Ginsburg a, à mon avis, un intérêt, c'est qu'au fond, on se rend compte que dans le travail ordinaire que mettent en place ces gens, on va voir se dérouler ce que Ginsburg appelle la pensée indicienne. Alors, pour le dire très rapidement, je ne vais pas vous asséner longuement ce que font les services d'enseignement, mais retenez cette idée, c'est que contrairement à souvent aux représentations qu'on peut avoir, notamment dans les séries télévisées, les gens du renseignement font assez peu tomber les portes et passent assez peu par les fenêtres suspendues à des filins. Une grande partie de leur travail, c'est d'écrire. Hein, les gens qui écrivent dans les services de renseignement, une grande partie de leur travail, c'est d'écrire. Ils font des rapports, ils font des notes, ils font beaucoup de choses comme ça. Ils passent beaucoup plus de temps derrière des bureaux que cachés à faire des surveillances. Les surveillances, c'est des services très spécifiques et peu nombreux. Bon. Donc il y a un gros travail d'écriture. Alors, ce travail d'écriture, il n'est pas spécifique aux services d'enseignement. On le retrouve dans l'administration dès le XVIIIe siècle. Hein, c'est-à-dire que c'est un phénomène tout à fait général. L'administration qui classe, qui mesure, qui compte, qui évalue les hommes. Mais il joue un rôle tout à fait important, et ce savoir, c'est un savoir, si vous voulez, qui s'est spécifié, qui était assez hétérogène au départ, et puis qui s'est organisé, à la fois sur le fond, qu'est-ce qu'on cherche ? On recherche la précision, on recherche la régularité, la clarté, et sur la forme, c'est-à-dire que on va avoir des fiches qui vont être de plus en plus standardisées, et ce, avant même, vous voyez, la mécanisation, et aujourd'hui, l'informatisation. Bon, on a tout ça, c'est un phénomène assez général. Et dans le travail des services d'enseignement, évidemment, la fiche individuelle, c'est la base. On ouvre des fiches sur des gens. D'ailleurs, c'est pour le grand bonheur des historiens du communisme, des historiens du mouvement ouvrier, qui, généralement, peuvent se plonger dans les archives de la préfecture de police de Paris et avoir toute une série d'informations sur les gens qui les intéressent. Alors, des informations, et ce n'est pas eux qui me démentiront, très souvent, très hétérogènes, de qualité très variable, on pourrait dire, on ne va pas dire complètement fausse. Mais en tout cas, c'est l'idée qu'on rassemble, vous voyez, de l'information sur des individus, un peu compulsivement, même si, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, on va récupérer des articles de presse, on va recouper, quand vous avez un contact avec une source, vous avez un indicateur, il va vous dire des choses, ben son agent va rentrer, il va gribouiller ça sur un morceau de papier, il va le mettre dans le dossier, c'est ce genre de choses qu'on va retrouver dans ces dossiers. Alors, il y a évidemment des différences sur lesquelles je pourrais revenir entre les différents services, mais c'est pas l'objet. Je veux dire, on accumule un peu compulsivement ce qu'il y a dans ces dossiers. Les policiers eux-mêmes sont souvent conscients d'ailleurs que ce qu'on accumule là-dedans, c'est pas vrai. Hein, vous avez un bel exemple de ça, c'est Louis Andrieux, préfet de police de Paris, préfet républicain en 1879, qui arrive à la préfecture de police de Paris et il fait comme à peu près tous les hommes politiques qui arrivent au pouvoir, disant « Est-ce que je peux voir ma fiche ?» Bon. Et non, c'est classique. Que fait Andrieux ? Il regarde son dossier, il s'aperçoit que dans son dossier, on le confond avec son frère, qui est 4 ans plus vieux, qui est socialiste. Bon, lui, il ne l'est pas du tout, c'est un républicain opportuniste, qui a plein d'erreurs. Bon. Est-ce que Louis Andrieux va fermer pour autant les dossiers ? Pas du tout. Et je vais le citer. Il a cette belle phrase. Il dit « L'administration a souvent intérêt à savoir ce qui a été dit ou écrit sur le compte d'une personne qui a éveillé son attention. » Le dossier répond à cet intérêt. Il n'a pas seulement le but de vous faire connaître qui vous êtes, mais surtout ce qu'on dit de vous. L'imputation la plus mensongère peut être une lueur, éclairer une trace, avoir par conséquent un intérêt de police. Et ça vaut trace, on a le mot-clé, on a la trace. Donc, vous voyez, donc on a là, j'ai envie de dire, un savoir policier qui est un savoir d'accumulation des traces, etc. Ça, c'est le premier point. On n'est pas à ce stade du travail policier qui est, je vous le dis, le travail le plus qui aujourd'hui est un travail ordinaire des services d'enseignement. C'est pas celui-là, on n'est pas encore à la production d'une vérité bureaucratique, c'est-à-dire c'est pas quelque chose sur la fabrication de qu'est-ce qui se passe, on accumule compulsivement. Au-delà de ça, on va ensuite mobiliser ce travail, mobiliser ce matériau, toutes ces traces pour fabriquer des histoires qui sont des notes de renseignement, c'est-à-dire la note étant le moment où on va commencer à organiser cette information. Et on n'a plus le dossier, la note, ça va être, à un moment donné, quelque chose qui est... on reste sur la question sociologique, je vous dis que c'était des gens très particuliers qui faisaient travailler ça, les institutions de renseignement font tout un travail de socialisation de leurs agents à l'écriture d'une note. Une note, c'est pas quelque chose que quelqu'un arrive spontanément et sait écrire. Vous avez tout un travail de formation des agents. Alors, vous avez plusieurs étapes, je vais passer, c'est pas mon sujet, mais vous avez d'abord un travail de sélection. Le service d'enseignement dégage tous les gens qui n'aiment pas écrire. Vous avez, il y a quelques contre-exemples, vous voyez, de gars qui arrivent de la brigade anticriminalité qui se retrouvent dans le service de renseignement. Vous avez l'habitude de parcourir le périphérique avec des sirènes hurlantes, et là on vous met à écrire une note de 20 pages sur Alternative Libertaire. Vous voyez, ça ne dure pas longtemps. Les gens demandent leur mutation immédiatement, ça se passe très très mal. Bon. Donc on a évidemment des gens qui ont des appétences qui sont sélectionnées par l'institution, et par la suite vous avez tout un travail, si vous voulez, de socialisation de l'institution, de normalisation de cette écriture. On commence par faire écrire des notes sans importance, par exemple sur les sans-papiers. Sans-papiers, on s'en fout, on peut se planter, c'est pas très grave, ça n'a pas d'importance. Et puis petit à petit, on a un système de contrôle qui se met en place. Je me souviens d'un entretien où un policier me racontait que le plus beau jour de sa vie, c'était le jour où il avait écrit une note, et elle était remontée jusqu'au ministre sans avoir été retouchée. Et là, c'était une sorte, vous voyez, de magie sociale. C'est-à-dire qu'il avait à ce point intériorisé les normes, vous voyez, du service de l'institution qu'il n'en avait plus besoin de le reprendre. Et ça, c'était intéressant parce que c'est une reprise, vous voyez, sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire qu'on reprend aussi la forme. Non, ça ne s'écrit pas comme ça, ça se dit comme ça, etc. Bon. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce qui est intéressant, c'est dès lors que quelque chose se passe ou qu'on écrit ses notes, comment au fond ça se fait ce travail de mobilisation? Comment est-ce qu'on passe de ces informations éparses dont je vous ai parlé à la fabrication d'une note? Et je vais vous prendre un exemple très concret pour essayer de vous faire voir comment en fait Ginsburg est assez utile. C'est une note qui est une note, je vais vous citer, qui est une note qui a été rendue publique dans un procès, donc je peux le citer puisqu'elle est versée aux pièces du dossier, mais en réalité, pour en avoir poussé un grand nombre, sa structure, je dirais, n'est pas une structure unique. Elle reprend la question qui se passe. Alors, l'histoire se passe dans une grande ville du sud de la France, on est le 21 septembre 2001, 10 jours après les attentats du 11 septembre, et une usine de produits chimiques explose. Non, personne n'aura vu. Alors, cette explosion, elle est assez tragique, puisqu'elle provoque la mort de 31 personnes. Vous voyez, c'est pas rien, c'est quelque chose. Et immédiatement, évidemment, les services de renseignement locaux se précipitent sur la piste, évidemment, de l'attentat. Mais, vous voyez, on est 10 jours après les attentats du 11 septembre 2001, on est dans ce contexte-là. Donc je vais vous citer la note, je vais vous la lire rapidement. Vous voyez comment est-ce qu'on fabrique une note et comment ensuite on mobilise un raisonnement qui est un raisonnement indiciel à la Ginsburg. Les investigations conduites par le service ont permis de recueillir un ensemble d'éléments sur l'une des victimes salariées intérimaires sur la plateforme. Le jour, il y a une série de paragraphes qui remettent ensemble des faits qui se sont passés ce jour-là. Donc je vais vous les citer. Le premier... Le jour d'explosion, à 7h du matin, le commissariat central de la ville reçoit l'appel d'un certain Milout. Celui-ci fait état de la fracture par des individus vers 3h du matin du local technique de la mairie, situé à proximité de l'usine. Les policiers saisissent une bonbonne de désherbant et un bidon d'eau de Javel. Selon les artificiers du commissariat central de la ville, ces composants suffisent pour la fabrication d'un engin explosif. Premier élément, on a donc, vous voyez, un local municipal fracturé avec de quoi faire de l'explosif. Le jour de l'explosion, deuxième élément, le 21 septembre à 11h30, le peloton autoroutier d'une ville voisine contrôle deux véhicules qui quittent l'autoroute. La Renault Laguna a la lunette arrière brisée. Les individus contrôlés expliquent que les dégâts sont dus au souffle de l'explosion alors qu'ils se trouvaient dans la zone du périmètre sinistré. L'explosion a eu lieu à 10h24. La distance entre la ville et le lieu de contrôle est de 100 km. Son parcours à une allure moyenne exige une heure de temps. Les individus contrôlés ont donc quitté le lieu de l'explosion immédiatement et ont roulé sans s'arrêter en direction de la ville où ils ont été contrôlés. Les deux véhicules sont occupés par les membres d'un groupe islamiste local, le groupe R, parmi lesquels suivent les 5 noms des occupants des véhicules. Troisième point. Le médecin légiste chargé d'autopsier les victimes de l'explosion constate que l'une d'entre elles porte sous son pantalon un short, trois caleçons et un slip. Il s'agit de Hassan J, dont le corps se situe à proximité du cratère. Cette superposition de vêtements correspondrait à une coutume au sein de certains groupes islamiques lorsqu'ils engagent des opérations d'attentat-suicide. Averti par les faits, le service conduit une enquête qui révèle l'engagement islamiste de l'intéressé. Quatrième point, je ne vais pas être très long, je vous rassure. La veille de l'explosion, Hassan J, donc la victime qu'on a vue au paragraphe antérieur, a eu une altercation avec un chauffeur routier qui travaille au transport des matières produites par l'entreprise. Ce dernier arbore dans son camion, des drapeaux américains. J a pris le chauffeur à partie en lui exprimant son antipathie à l'égard des États-Unis. Hassan J, l'enquête vient sur un paragraphe sur Hassan J, entretient d'étroites relations avec les frères X. Le premier partage avec lui le même passé délinquant et aurait été recruté par la même mouvance islamiste locale. Le second, Jilali, travaillait avec lui sur le site de l'usine. Il avait d'ailleurs été recruté grâce à lui. Le jour de l'explosion, attention, Jilali n'était pas présent sur le lieu de travail et il explique son absence par une indisposition passagère. De sources sûres et à protéger, Hassan J et Senoussi seraient tombés sous l'influence fin 2001 d'un des principaux leaders de la mouvance islamiste locale, Miloud R. Le clan islamiste de Mohamed R, donc le leader qui les aurait recrutés, apparaît en 1994. Il représente la tendance afghane qui, à partir de cette date, aura une influence croissante sur le paysage islamiste de la ville. Les Afghans, on les appelle ainsi parce qu'ils ont fait les maquis afghans, succèdent à l'islamisme des intellectuels qui s'était développé de 1985 à 1994. Leur leader présente les mêmes caractéristiques. Il serait passé par les maquis afghans, la formation pro-pakistanais, etc. En 1994, le leader lance une action de prosélytisme en direction des quartiers sensibles de la ville. Il concentre son action sur la cité de X et prend contact avec certains délinquants. Hassan J évolue dans ces années-là dans le même quartier. Le groupe tient également sous sa férule la mosquée de X, où J aurait été vu les premiers temps de son islamisation. Excusez-moi, c'était un peu long. Mais c'est assez intéressant, vous avez des éléments tout à fait épars. Comment est-ce qu'on relie ensemble tous ces éléments pour fabriquer une histoire cohérente? Alors, le point de départ, j'ai interrogé le commissaire à l'époque, c'est cette histoire de caleçon. L'histoire de caleçon, là, c'est bizarre. Et le gars connaît un gars de la FP qui lui aurait dit que sur un certain nombre de sites, on aurait vu des choses comme ça au Moyen-Orient. Ça attire, si vous voulez, son attention. Il se dit bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois que ce... Ils vont se dire trois choses. Ils ne connaissent pas ce gars. Hassan J, il n'est pas dans les fiches du service pour la question de radicalisation. Ce n'est pas un gars qui est suivi local. Donc ils vont faire plusieurs choses. Ils vont faire un récit en trois mouvements. Évaluer l'engagement radical de ce supposé auteur. Deuxième chose, s'efforcer de le rattacher à la mouvance islamiste locale qu'il suppose la plus à même de mener ce type d'action. C'est-à-dire qu'ils élaborent une sélection en disant, ben voilà, au fond, localement, qui peut faire ça, ça peut être cela. Et donc, dernier point du mouvement, étudier l'activité de ces gens-là le jour de l'attentat. Qu'est-ce qu'on fait ces gens-là le jour de l'attentat? Premier élément, attester l'identité islamiste de ce gars-là qui n'est pas dans les fiches. L'altercation anti-américaine, par exemple, ce gars-là, il s'est embrouillé avec quelqu'un parce qu'il avait des drapeaux américains. C'est pas mal. Deuxième élément, il aurait été enrôlé dans le groupe localement le plus menaçant. Bon. Alors là, c'est très intéressant quand on lit le récit, et vous voyez que l'on prend un vrai Ginsburg de base, c'est que, à la fois, on a une histoire très précise pour le groupe, vous avez des faits, machin, prend la tête du groupe à tel moment, et ils sont là à tel endroit, etc. Autant son implication, lui, dans le groupe, il serait tombé sous l'influence, il aurait été mis en contact. La formule magnifique de selon une source sûre et à protéger, dans un rapport de renseignement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas un agent du service qui a été témoin du fait, et que c'est suffisamment pas fiable pour qu'on puisse pas fournir le témoin devant un juge. Donc quand vous voyez d'une source sûre et à protéger, ça veut dire c'est vraiment avec des pincettes. Bon. Donc on a là, vous voyez, on a à la fois, vous voyez, on essaie véritablement, vous voyez, de rapprocher, de raccrocher finalement notre gars. Alors là, c'est caricatural, évidemment. Ce dossier, bien sûr, au fond, j'ai oublié de vous dire la fin, l'attentat, c'est pas un attentat, c'est un accident. C'était dans cette usine, donc il n'y aura pas eu d'attentat. Mais la logique est la même sur des choses, y compris où il y a l'attentat. Donc, on essaie de le raccrocher, un peu artificiellement. À la fin, bon, j'ai l'impression que le gars il fait du militantisme dans un quartier, le mec est présent dans le même quartier. Bon, c'est un peu léger pour raccrocher complètement, mais en tout cas, c'est ce que l'on fait. Dernier mouvement, je vous l'ai dit, ben, on regarde ce qu'a fait la mouvance locale. Il y aurait eu des préparatifs dans un local juste à côté de l'usine. Vous vous souvenez, le bidon de Javel, en fait, il va s'avérer que c'est pas du tout, c'est un cambriolage qui n'a aucun lien, évidemment, avec les faits, et que les produits en question sont des produits des services municipaux. Les groupes, les gars du groupe ont été vus quittant précipitamment les lieux. Au fond, ils étaient ensemble ce jour-là. Deux éléments, vous voyez, qui peuvent supposer une implication possible. Et, alors vous voyez, les explosifs, un intérimaire habillé en martyr, qui nage dans les eaux d'une mouvance islamiste radicale au comportement suspect le jour de l'explosion, bah, ça fait un récit plausible de la possibilité de cet attentat. Alors évidemment, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que, y compris des policiers du renseignement localement disent, bon là on a un peu poussé, on a un peu poussé la logique, on est un peu allé un peu loin. Mais c'est intéressant parce que, au fond, vous voyez que je crois que ça met à jour pas mal des raisonnements qu'on retrouve à la fois chez Wittgenstein, chez les pensées de l'Inquisition, et bien sûr dans les dossiers contemporains d'antiterrorisme. C'est-à-dire, alors, vous voyez cette pensée conjoncturelle, on relie ensemble des indices séparés pour fabriquer un récit, qui est un récit. Alors, et c'est là que Wittgenstein dit à un moment donné qu'il distingue le juge de l'historien. C'est-à-dire qu'évidemment, vous voyez que par exemple dans ces récits, et c'est vrai sur l'antiterrorisme, le hasard n'a pas sa place. Être deux personnes qui seraient au même endroit au même moment, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Ça ne peut être que le fruit du fait que les enquêteurs ne sont pas au courant du lien. Mais le lien, évidemment, est nécessaire. Et c'est cette pensée logique. A plus B égale C, C plus B égale I. Donc, si A a fait ça, si B a fait ça, si A est vrai et B est vrai, donc C est vrai. Et ça, Wittgenstein fait ce démontage sur Sauffry, en disant, ben voilà, le témoin qui accuse Sauffry, il a vraiment fait ça, il a vraiment fait ça, mais quand il dit qu'il a fait ça, on ne peut pas dire, il a dit deux fois vrai, donc la troisième fois c'est vrai. Et on va retrouver ce type de choses. Alors, évidemment, ce que je suis en train de vous dire, ça ne vaut pas que sur les questions judiciaires. Les services de renseignement font ces rapports-là, et il y a plein d'autres mesures qui peuvent être prises au-delà de la question judiciaire. Que vous avez des mesures administratives, vous avez tout un tas de mesures qui peuvent être prises, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est ce qu'on va retrouver également sur nos procès antiterroristes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, vous voyez, de queue de comète. Au fond, la plupart des procès antiterroristes sont sur la base de ce type de rapport et de ce type de raisonnement. Et c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant, je vous disais, de lire à la fois tous les dossiers, hein, de lire un certain nombre de dossiers, une quantité suffisante, je dirais, de dossiers, et de comparer précisément le contenu de ces traces de dossiers des réquisitoires définitifs des juges d'instruction. C'est-à-dire le moment, le réquisitoire définitif, c'est un rapport de synthèse qui est souvent un rapport de synthèse conséquent. J'étais sur une affaire là qui est un peu compliquée, c'est 150 pages de conclusion du juge d'instruction, vous voyez, qui renvoie ensuite en correctionnel ou aux assises, ce genre de choses. Donc à un moment donné, c'est-à-dire lui opère une sélection et opère, si vous voulez, au fond. Les mauvaises langues nous diront que quand Paul Veyne dit que le travail de l'historien, c'est d'écrire une intrigue plausible, il y a de ça, sauf qu'évidemment, les conséquences ne sont pas nécessairement exactement les mêmes, évidemment. Donc, quand on fait cette question-là, donc quand on regarde ça, pourquoi je vous dis que c'est important? Parce que, au fond, si on regarde la structure du système antiterroriste français, dans près de 80% des dossiers, les condamnations en matière d'antiterrorisme sont faites au titre de l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ce sont malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, donc un délit du code pénal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, vous vous êtes entendu avec quelqu'un dans l'idée de commettre des actes terroristes. Donc en réalité, ce n'est pas la matérialité des faits qui est condamnée par l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise. C'est l'intention. C'est l'intention matérialisée par un début de commencement. Début de commencement, ça peut être que, par exemple, vous avez filé 50 euros à quelqu'un dans un dossier récent pour qu'il parte en Syrie. C'est suffisant pour matérialiser l'intention et l'association de malfaiteurs. Bon. Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est une indélie, vous voyez, qui, au fond, ne va pas porter sur, au fond, l'établissement concret de la participation des gens à des actes. Dans beaucoup de cas, on n'a pas la participation concrète de gens à des actes. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais ce qu'on va... Et vous voyez qu'on n'est pas loin des questions sur l'hérésie. C'est, au fond, c'est étudier toutes ces questions-là, ça va faire ressortir, dans une certaine mesure, vous voyez, les figures ordinaires de la subversion. Quelle est la subversion acceptable? Quelle est la subversion inacceptable au point qu'elle soit condamnée par la justice? Et ça, c'est un point qui me semble tout à fait important. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Je vous dis, l'organisation. S'organiser pour contester l'ordre politique et social, c'est une figure constante, précisément des procès. Ce n'est pas les individus seuls qui sont intéressants. Il faut prouver que ces gens-là sont organisés. Et les organisations, ça peut être quelque chose d'être effectivement très fluide, très temporaire. Mais la question de l'organisation, c'est un point tout à fait important. Question de la violence ou de la potentialité de la violence. La violence, ça apparaît comme un des modes récurrents de contestation inacceptable de l'ordre social. Mais on va voir. Dès lors que cette violence, elle est pas simplement liée, c'est pas la violence individuelle dont il s'agit. On est ici sur des structures, vous voyez, qui sont sur les menaces à l'État. La question de la manipulation étrangère. L'influence étrangère, c'est une figure récurrente de la subversion. On essaie de rattacher systématiquement, voyez, la subversion à des manipulations étrangères. C'est vrai, récemment sur un procès qui est un procès d'un groupe qui s'appelle Force Analisa, qui était une sorte de milice d'autodéfense musulmane, etc. Je m'achemine mal dans ma conclusion, bien sûr. C'était un procès qui est une sorte de milice d'autodéfense musulmane. Bon, ils ont été arrêtés et condamnés. Vous avez au procès, par exemple, la DGSI vient et fait une présentation du groupe. Et donc le groupe, en fait, c'est des gens qui veulent s'entraîner aux arts martiaux pour défendre les musulmans, qui cherchent des armes. Bon, voilà. Au fond, qu'est-ce qu'on dit? Ces gens-là, dans les ordinateurs, on a trouvé des discours de Ben Laden, par exemple. Et donc, la DGSI arrive, elle fait un très joli PowerPoint où vous avez les responsables de la cellule et des flèches qui ramène directement à Al-Alaki. Al-Alaki, c'était un des leaders de AKPA, donc de Al-Qaïda en péninsule arabique. Ça ramène directement à Al-Makdisi, qui était le mentor de Al-Zarqawi en Irak, et à Ben Laden. Et, alors, et vous dites, les flèches, c'est où? Non, c'est, ils ont des idées de ces gens-là. Et on grandit vraiment la menace de cette question-là. Sur des Basques, sur un dossier basque, c'est assez intéressant, c'est des jeunes qui font sauter des agences immobilières au Pays Basque. Il faut aller rechercher une note de ETA en 2006 qui disait « on pourrait s'en prendre à la spéculation immobilière ». C'est une note 5 ans avant, donc il n'y a aucune évidence, vous voyez, que les jeunes en question en aient même eu connaissance. Mais on va les relier à ça. Et comment on va les relier à ETA? D'une manière très simple. Ils sont membres d'un syndicat espagnol, d'un syndicat étudiant espagnol. Et on a un article de 20 minutes qui montre qu'une militante d'ETA arrêtée en région parisienne avait été membre de ce syndicat étudiant espagnol. Donc, et vous avez toutes les questions du juge d'instruction qui font ce genre de choses. On fait ce type, vous voyez, de regroupements qui sont des regroupements, à mon avis, tout à fait importants. Alors, pour terminer, parce que vous dites, au fond, de quoi je vous parle, vous voyez, je pense que Ginsburg, il a cet intérêt, vous voyez, de s'intéresser à travers ses procès à, finalement, les modes de questionnement et les modes de catégorie de questionnement d'un ordre social, politique, symbolique, légitime. Quand on travaille sur ces questions d'antiterrorisme contemporain, on retombe sur les mêmes types de questionnements. C'est-à-dire, au fond, dans une certaine mesure, questionner, vous voyez, l'antiterrorisme de ces questions-là, c'est pas se poser des questions sur l'antiterrorisme, c'est se poser des questions sur... C'est partir du centre pour se poser des questions sur... partir de la périphérie, pardon, pour questionner le centre. C'est, au fond, se poser des questions sur qu'est-ce que c'est notre ordre politique, au fond. Et comment cet ordre politique et les professionnels que j'étudie, qui en sont des agents très particulier, ce sont des gardiens de l'ordre politique, au fond, dans certaines mesures. Ce sont des gardiens de l'ordre politique. Comment ces gardiens définissent finalement la figure de la subversion légitime? Je vais vous citer le procureur de Paris qui parlait de Tarnac. Vous avez sonné l'affaire de Tarnac. Il disait: quand un galopin pose un fer à béton sur une voie, c'est une dégradation. Un syndicaliste qui le fait, c'est une action syndicale. Mais si vous le faites pour déstabiliser un réseau à des fins politiques, nous ne sommes plus dans le droit commun, nous ne sommes plus dans le syndicalisme, nous sommes dans le terrorisme. Et que c'est plus l'acte qui définit la qualification, c'est l'identité des gens. Et au fond, là, Ginsburg nous dit beaucoup de choses. Alors, on n'est plus, oui, sur la diffusion, mais au fond, sur la constitution de ces identités. C'est-à-dire la constitution de ces identités, et on retrouve la double dimension sur laquelle j'étais parti des procès. C'est-à-dire, lire les procès, ça nous dit des choses sur les pratiques de ces gens. Les entretiens avec les juges d'instruction, les gens, ils disent des choses. Ils revendiquent la plupart du temps leur engagement politique. Ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils font un certain nombre de choses. Et très souvent, ils disent, vous me dites que ça, c'est du terrorisme, mais pas du tout. Regardez, on fait ça, et c'est notre... Un procès, là, très récemment, vendredi dernier, dit, allez se battre en Syrie contre Bachar al-Assad, vous me dites que c'est du terrorisme, mais pas du tout. D'ailleurs, Laurent Fabius disait qu'il fallait le faire. Vous me dites que c'est du terrorisme, pas du tout. Bon, ils revendiquent un certain nombre de choses. Donc ça nous informe sur des pratiques politiques de contestation pour cet ordre social. Et en même temps, c'est le dernier mouvement de la réflexion, c'est qu'évidemment, ça nous renseigne sur la fixation, vous voyez, permanente, par ces espèces d'institutions limites, de ce que c'est, on pourrait dire, les limites contemporaines de l'hérésie dans sa version laïcisée. Merci. Merci Laurent. Ouais, là je suis quand même moins compétente, hein. Ça se perd, mais ouais, comme justement moi je travaille pas du tout sur le centre, mais sur la marge, j'ai pas lu Ginsburg comme ça, mais c'est vrai que il y a ça aussi. Non, là franchement je. Je sais pas, je trouve ça très fin. Je pense que je pense que le juger l'historien, c'est un peu particulier. Enfin, c'est un geste d'amitié, c'est un geste d'urgence politique et amicale. Mais c'est pas sa démarche habituelle. Sa démarche habituelle, c'est quand même bien la marche. Donc, c'est pas mal, parce que tu le lis un peu en creux, quoi. Tu trouves. Ce que je me demande, c'est ce que pourrait faire de Ginsburg si des gens qui travailleraient au contraire justement sur les réseaux terroristes pour comprendre vraiment ce qu'ils sont, puisque comme tu dis, en fait, on a des informations aussi, y compris dans ces récits complètement déformés, dans ce travail de normalisation, il reste des choses qui ont échappé. Mais paradoxalement, c'est quand on lit les dossiers complets, on pourrait faire, je ne veux pas dire, c'est évidemment un prisme biaisé, mais il y a beaucoup plus de matériaux que ce qui est retenu dans les récits qui sont constitués. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, il y a parfois des descriptions assez denses, je dirais, sur des situations familiales, sur des observations, sur des milieux, sur des choses comme ça, qui par la suite peuvent être écartées complètement du récit final, parce qu'elles n'ont pas semblé pertinentes, etc. Il y a quand même souvent une densité d'informations, dès lors qu'il y a de la surveillance, dès lors qu'il y a des écoutes, dès lors qu'il y a un certain nombre de choses comme ça. Après, ce que je trouve, enfin, plus généralement, par rapport au séminaire, je trouve que en fait, c'est complètement dans ce qu'on cherche. Hein. Tu montres vraiment bien comment cette culture d'État, au fond, enfin, cette construction de normes d'État, elle est liée à une sociologie, c'est une construction sociale, à la fois parce que sont les gens, par leur trajectoire, et par la trajectoire de l'institution aussi. C'est super, mais... Des questions, remarques à l'audience. Peut-être. Boris, Kobi. En fait, en vous écoutant, je me disais que l'un des intérêts de Ginsburg aussi, et il faudrait voir dans quelle mesure ça vaudrait pour ce que tu racontes, Laurent, c'est que l'une des manières, il nous alerte sur la production d'une cosmogonie par un individu subalterne à une époque lointaine d'aujourd'hui. Mais ça ne cessait de faire écho en moi. Je me disais que l'une des manières subalternes de faire de la politique aujourd'hui, c'est le complotisme. Et c'est bâtir des cosmogonies dans lesquelles tout ce qui arrive est ramené à un principe de causalité unique ou à une responsabilité politique unique qui est celle d'un groupe, ou bien religieux, ou bien sectaire, les juifs, les illuminati, ou que sais-je encore. et de trouver dans ce qui arrive des éléments qu'on va coudre ensemble de façon à chaque fois relativement plausible, croit-on, en tout cas c'est ce qu'on veut dire, pour in fine statuer sur, pour produire un sens sur ce qui arrive. Et du coup, je trouve que ça interroge ce qu'on a un groupe et un séminaire sur l'histoire sociale des idées politiques, on pourrait interroger par politique, par idées politiques aujourd'hui, et par la façon dont on peut en produire, de quelle manière et sur quel registre. Et du coup, j'étais intéressé par ce que tu racontais, parce que, alors ça n'a rien à voir, mais il y a malgré tout des petites techniques qui sont un peu semblables quand même, qui consistent à rassembler des faits et à essayer au moins dans un premier temps de les tisser ensemble sous le seul registre de la plausibilité. Alors on sait bien que dans un procès judiciaire, on n'a même pas toujours la preuve absolue de la culpabilité de quelqu'un et que, au-delà du doute raisonnable, comme on dit, on peut condamner, etc. Mais il y a quand même, dans un procès judiciaire, un moment, théoriquement, si c'est bien fait, un moment où ces plausibilités provisoires peuvent sauter, parce que ça ne tient finalement pas, et donc on verra ce qu'il advient des procès d'arnaque, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Et ce qui veut dire que, non seulement chez les subalternes, si on veut bien encore une fois reprendre ce terme, comme dans le centre même étatique, c'est-à-dire là où on traite la menace, il y a des procédures de production de petites cosmogonies ou de grandes cosmogonies qui obéissent à des logiques de fabrication de sens qui sont pour partie encore une fois, je ne traduis pas à parler absolument entre les deux, semblables. Donc voilà, c'était juste une remarque et une question. Non, mais je pense que c'est d'autant plus important, c'est qu'au fond, il y a plein de Ménocchio modernes. Non, et au sens, ce que tu dis sur ces cosmogonies, la semaine dernière, donc j'étais sur un procès sur des gamins qui rentraient de Syrie, et effectivement, il mentionnait dans cette question-là un médiateur, on pourrait appeler ça comme ça, qui est un gars qui a une figure particulière, qui s'appelle Lombardi Ami, qui était très médiatisé, etc. Mais qui en fait, il y a des comptes rendus des réunions, et ce que disait un des gamins, il disait, c'est fantastique, il a réponse à tout. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a un doute, il avait une réponse qui faisait sens, finalement. Alors, effectivement, c'était une théorie du complot tout à fait claire, avec évidemment une cosmogonie, un début, une fin, une causalité, quelque chose qui explique la place des uns et des autres. Il disait, on n'arrivait jamais à le prendre en défaut sur cette cosmogonie. Bon, le gars l'a maîtrisé facilement, évidemment, mais c'est assez intéressant parce que c'est mobilisateur. On voit que cette question-là, elle fait sens. Cette cosmogonie, alors pour le coup, elle n'est pas littéraire, ça, elle n'est pas écrite. Elle est à la fois, elle est parlée, elle se fait à travers des vidéos, elle se fait à travers des réunions très concrètes, il y a peu d'écrits. Mais elle se transmet un certain nombre et elle est suffisamment importante pour pouvoir mobiliser 15-20 personnes à chaque fois, je dirais, et les gens, ça produit des effets qui évidemment résonnent avec leur trajectoire personnelle. C'est bien sûr là que ça prend sens, avec, on voit certains qui se l'approprient plus ou moins en fonction de l'histoire familiale, etc. Mais ça a des effets tout à fait concrets. Et sur la question, sur l'autre question, je pense que au-delà, tu vois, il y a des structures de plausibilité. Mais je me souviens par exemple de l'affaire Basque dont je vous parlais. L'affaire Basque, donc il y a 4 gamins qui sont mis en examen pour ça. Le 4e va être condamné sur le simple choix. Il n'y a aucun élément matériel qui le lie au dossier, si ce n'est que c'est un copain des autres. Et la condamnation vient sur le mode, c'est le seul des 4 à avoir le permis de conduire. Comme il fallait une voiture pour aller commettre l'attentat, ça ne peut être que lui. C'est-à-dire qu'on assume qu'on peut poser la bombe, mais pas qu'on peut conduire sans permis. Et il prend 3 ans quand même pour ça. C'est quand même. C'est vrai. Donc on est vraiment. Pourquoi je dis que c'est intéressant, c'est qu'au-delà, on peut se poser des questions sur le sens de la peine, etc. Mais indépendamment de ça, scientifiquement, sur quoi est-ce qu'on peut réfléchir? Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que on est en dehors, je pense, du cadre du procès judiciaire ordinaire. C'est-à-dire que ça. Et d'ailleurs, on voit les avocats, à la fois les avocats spécialisés dans l'antiterrorisme, qui ne s'en offusquent pas trop. Alors que des avocats qui sont des avocats spécialisés du droit pénal traditionnel hurlent. C'est-à-dire que dans ce genre de cas, ils requièrent un non-lieu, ils disent absolument, c'est absolument scandaleux, mon client, vous n'avez aucun élément matériel, etc. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre véritablement de la question politique. Et ça, je pense que c'est vraiment central parce que ça va très au-delà finalement de la question du droit pénal. C'est la dangerosité, la plausibilité de la menace à cet ordre national. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant. D'autres questions, remarques, commentaires? Samuel? Je peux me permettre. Non, c'est collé. En fait, c'est une question en 3 morceaux que j'essaye de coller ensemble. La première question, c'est sûr, est-ce que, en gros, selon toi, de ce que tu vois dans les dossiers que tu étudies, il y a une conception de l'ordre social préexistante et finalement toute une série de menaces, de subversions face auxquelles ce que fait le renseignement et l'antiterrorisme, c'est juste de réaffirmer une pensée d'État préexistante et de corriger les subversions, ou est-ce que les services de renseignement élaborent la pensée de l'État dont ils sont les représentants à travers leur lecture des menaces, de ce qui est constitué comme menace les uns aux autres. En gros, est-ce que ça change quelque chose sur la conception qu'on se fait de l'État, qu'à un moment donné, ça soit l'extrême droite qui est dans le viseur, puis l'extrême gauche, puis des groupes djihadistes et avec l'idée derrière, et ça c'est plus une question peut-être pour revenir sur ce que tu dis là, avec cette question des appropriations, c'est-à-dire qui est une question qui me semble centrale et d'autant plus intéressante si on la symétrise. C'est-à-dire que la pensée d'État, elle s'approprie des pensées, enfin, c'est pas que dans un sens des groupes qui s'approprient des pensées d'en haut, mais que est-ce que, bon, ce qu'on observe, c'est que, l'État, il constitue sa doctrine aussi en s'appropriant, à sa façon, des pensées qui sont produites dans un contexte tout à fait différent. Ce qui m'amène à une troisième idée liée, je suis désolé si c'est pas très très clair, c'est la pluralité de ces lieux de production. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui apparaît, en même temps je te dis, est-ce qu'il y a de l'appropriation d'une pensée d'en bas, mais est-ce que la pensée djihadiste c'est une pensée d'en bas? Non, c'est une pensée d'en haut, mais d'un autre haut, d'un haut qui a un autre centre. Et que donc tu te retrouves peut-être dans ce que tu étudies, et puis de façon plus générale, quand on a affaire à des pensées, y compris à des pensées populaires, à des pensées qui se retrouvent à l'intersection de plusieurs sources théoriques, dont on voit juste une articulation précise, et je pense que c'est ça particulièrement, parce que c'est assez marrant, tu dis c'est la même chose que dans l'Inquisition, mais l'Inquisition c'est des tribunaux religieux, là tu as des tribunaux d'État, la pensée religieuse et la pensée d'État, tu peux le mettre dans tous les sens, mais elle a une manière de fonctionner, etc., qui ne peut pas être la même, quoi, qui ne peut pas s'intéresser à elle. Et ça, c'était juste un convert, mais qui va avec ce truc de l'idée de pluralité des sources de pensée. Donc, juste la première question, si tu peux. Comment est-ce que la pensée d'État s'élabore? Est-ce que la pensée d'État s'élabore en piochant dans les pensées qu'elle juge menaçantes? Alors, pour moi, il n'y a pas une pensée d'État. C'est pour ça que j'ai essayé de soigneusement spécifier les gens dont je parlais, parce que je pense que c'est quelque chose de tout à fait important. C'est-à-dire que d'abord, c'est une pensée qui est conflictuelle. C'est-à-dire qu'on rencontre, par exemple, qu'entre des services de renseignement différents, il y a des hiérarchies des menaces qui sont différentes. Et des manières d'interpréter les choses différentes, et qui sont liées précisément à des formes d'éthos institutionnels différents, enfin d'histoire institutionnelle différente. Bon, il y en a qui voient les menaces intérieures, il y en a d'autres qui voient les menaces extérieures, bon, grosso modo. Donc ça, c'est premièrement, c'est que c'est déjà très conflictuel. Bon. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est de voir que, ça c'est premièrement. Deuxième élément, ce ne sont pas les seuls acteurs de la définition de la menace. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les services définissent quelque chose comme menaçant, et d'autres acteurs se surimposent en disant « non, ça ne l'est pas pour d'autres raisons ». Prendre un exemple très concret, la constitution du CFCM, du Conseil français du culte musulman, quand il a fallu composer les organisations qui allaient représenter le culte musulman en France, les services d'enseignement, bien sûr, ont été mobilisés, et c'est eux qui ont dressé la liste des interlocuteurs plausibles pour le gouvernement. Et ils avaient écarté de cela l'UOIF, parce que l'UOIF était clairement dans leur viseur depuis des années, en disant c'est des intégristes, etc., etc., etc. Pour des raisons politiques, à l'époque, Nicolas Sarkozy a décidé d'inclure l'UOIF, dont il pensait faire des entrepreneurs de mobilisation politique dans un certain nombre de quartiers, etc., etc. Donc là, pour le coup, il y a par exemple un type de décision sur la définition de qui est l'interlocuteur légitime, c'est-à-dire de la frontière légitime du champ politique, qui est conflictuelle, et les services d'enseignement ne se sont toujours pas remis de ça, et ils ne manquent pas de faire des notes tous les mois pour dénoncer ce que fait l'UOIF au CFC. Voilà. Mais ça n'empêche pas que c'est donc quelque chose de conflictuel. Donc sous ce rapport, il n'y a pas une pensée d'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des configurations dans lesquelles certaines visions de la menace s'actualisent. Alors, à la fois en raison de l'état des rapports de force entre les services, en raison d'un certain nombre d'éléments objectifs, une vague d'attentats, ça rebat les cartes, par exemple, hein, la structure de causalité, ça c'est le premier élément. Est-ce que ça s'alimente finalement de ces savoirs, Au fond, on est assez surpris qu'il y a une assez faible connaissance finalement du contenu, j'ai envie de dire doctrinal, de ces questions-là. Ils sont très très forts pour reconstituer des réseaux. C'est-à-dire qu'au fond, ça va plaire à Bernard, les services d'enseignement, ils sont léninistes. Ils sont léninistes, c'est-à-dire ils croient au rôle des avant-gardes. Ils croient aux avant-gardes. D'accord ? Ils croient aux avant-gardes, c'est-à-dire ils pensent que les avant-gardes font l'histoire. Donc ils surveillent les avant-gardes. Et c'est d'ailleurs pour ça que les services d'enseignement historiques ont toujours été aveugles aux grandes révolutions. Ils n'ont jamais vu venir les fondements du mur de Berlin, ils n'ont pas vu venir les printemps arabes, ils n'ont jamais vu. Ils ne comprennent pas les mouvements sociaux. Ils comprennent le rôle des avant-gardes. Bon. Parce qu'ils les surveillent. Donc ils sont très forts pour faire des organigrammes, pour faire des portraits des gens, pour faire ce genre de choses-là. Mais au fond, le contenu doctrinaire est en réalité relativement faible. Et la justice antiterroriste, de la même manière, s'intéresse assez peu, au fond. Là, il y a des débats, par exemple, sur il faut que vous disiez que vous allez faire le djihad. Si on dit je vais faire le djihad en Syrie, vous tombez pour terrorisme. Si vous dites non, je vais faire la hijra, je vais me déplacer là-bas, c'est pas du terrorisme. Et donc tout le travail d'un procureur, c'est de montrer que dans telle réunion, vous avez bien dit que vous allez faire le djihad. Mais au fond, on se fout un peu du contenu. Le contenu, il n'est défini que par rapport à des questions de subversion préexistantes. Violence extérieure, etc. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à cette question-là, mais le dernier point, ce qui est complètement le point aveugle de ces questions-là, et je vais élargir la question au-delà de l'antiterrorisme, sur la question de radicalisation. Un grand truc à la mode aujourd'hui, on parle beaucoup de lutte anti-radicalisation, de politique anti-radicalisation, etc. Au fond, comment les définissent les institutions qui luttent contre la radicalisation ? C'est les gens qui, au fond, refusent les règles de l'échange actuel. C'est-à-dire, au fond, l'Union européenne a donné une définition très forte, c'est les gens qui n'ont plus confiance dans les institutions. C'est large, hein. Faites attention. Faites attention, fermez pas votre porte à 4h du matin. Vous pouvez y avoir de la visite. Donc, c'est des éléments qui sont très très larges. Et comment est-ce qu'au fond, sur ces questions-là, qu'est-ce qu'on voit se tisser ? Effectivement, on voit des formes de contestation populaire du lien aux institutions, qu'on ne retrouve pas simplement sur la question antiterroriste. Des jeunes des quartiers populaires, aujourd'hui, ont plutôt une méfiance d'un certain nombre d'institutions, de la République, etc., de l'école, etc. Parfois, ces formes de rejet d'institutions cadre effectivement avec un discours qui est produit. Alors c'est la question, où est-ce qu'il est produit ce discours? Je ne suis pas si sûr qu'il y ait des centres qui produisent ce discours-là. La cosmogonie sur le complot, il y a des gens qui en sont des médiateurs, mais elle se produit un peu partout. Parce qu'en fait, elle reprend. Il y a eu un truc fantastique dans un affrontement de procès entre le procureur et un jeune qui est parti en Syrie. Le procureur dit, vous êtes parti en 2013, j'ai fait la revue de presse pour qu'on sache ce que vous saviez quand vous êtes parti. Et là, il sort toute la revue de presse du Monde. Et le président lui demande, mais vous lisez Le Monde ? Il dit, ben non, c'est un journal vendu aux Juifs et au Capital. Donc évidemment, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que pour avoir ça, il n'a pas nécessairement besoin de passer par des savoirs qui auraient été élaborés ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois qu'il y a des formes de contestation populaire de l'ordre politique et social qui, effectivement, développent certaines formes de méfiance, de rejet, etc., qui ensuite peuvent se vocaliser dans des cosmogonies. Du complot, etc. Mais c'est évidemment une question ultra compliquée. Du point de vue de l'historien, il y a quelque chose qui est intéressant dans le rapport que tu fais entre la démarche indiciaire de ces juges et de ces policiers, de ces services d'enseignement et la démarche qui était celle de l'Inquisition qui pour l'historien ne peut que passer par un trou une démarche vraiment historique où on reconstituerait, comme on disait, des médiations, c'est-à-dire est-ce que c'est une culture d'État, puisque tu disais c'est les premières institutions qui sont centralisées, etc., ou est-ce que il y a des formes, au fond, morphologiques, des choses qui restent et qu'il faut analyser de ce point de vue-là. Et ça, c'est aussi quelque chose dans Ginsburg qui est toujours très intéressant, c'est qu'on voit qu'il hésite, au fond, toujours entre ces deux démarches, et il essaye de trouver des manières de les démocratie, c'est-à-dire qui t'arrive à faire les deux d'ailleurs aussi. Je peux envoyer une petite remarque, question par rapport au, c'est ça, oui. Par rapport au modèle de la justice inquisitoriale que je crois symbolique du questionnaire, et son applicabilité ou la comparabilité en tout cas avec la justice d'État actuelle, donc le rapport religion politique, je crois qu'effectivement il y a quand même un rapprochement possible, et que j'ai cru pas trop entendre dans ton analyse au stade de développement de recherche, c'est que, enfin, tu l'as dit un petit peu, il s'agit non pas dans la justice inquisitorielle, telle que je l'ai compris, d'imputer tellement des faits, mais des intentions. Alors certains, voire certaines, connaissent très bien la problématique de l'intention dans cette salle. Alors là, Bruce Corwell appelait les crimes de pensée, hein, sur la base desquels tu peux être condamné, semble-t-il, pas toujours, enfin, systématiquement, mais parfois. Bon. Et alors là, c'est peut-être lié aux sources auxquelles tu as accès, peut-être. Les sources de Ginsburg, c'est des interrogatoires. Est-ce que tu as eu accès, ou tu penses avoir accès au PV d'interrogatoire, voilà, et est-ce qu'on peut en faire une analyse de ce point de vue indiciaire et Ginsburgien? C'est le rapprochement que vous avec la justice religieuse à Ginsburg. Tout à fait, c'est-à-dire, alors, attention, dans mon propos, et à ce stade, il ne s'agit pas pour moi de tracer une généalogie qui dirait, voilà, je pars de l'Inquisition et je ramène à ça. C'est un usage très... Que fait Foucault? Mais on pourrait audacieusement penser que je ne suis pas Michel Foucault. Ça, c'est plausible. Donc, voilà. Donc moi, je ne fais pas ça. Donc, mon idée n'est pas de remonter et de pas essayer de travailler cette généalogie. C'est pas ça. C'est à un moment donné, là où Ginsburg m'intéresse, c'est qu'effectivement, je pense que ce qu'il décrit sur un certain nombre de modes de fonctionnement de la pensée indicielle, etc., ça fait sens par rapport à ce que j'écris. C'est-à-dire sur le mode d'un mode de raisonnement. Il y a aujourd'hui un gros débat sur les Critical Security Studies, en disant est-ce que le big data, etc., fait sortir d'autres formes de pensée que la pensée indicielle, la pensée algorithmique, ce genre de choses. Bon, il y a toute une série de débats dans le monde anglo-saxon sur ces questions-là. Bon, moi je me rends compte que ça a un vrai intérêt pour mes rapports de renseignement, pour mes rapports, pour mes procès, de voir ça. Est-ce qu'on a accès au PV? Bien sûr, quand tu as accès au dossier, tu as accès à l'intégralité des interrogatoires de police, et il y en a beaucoup, 10, 15, je dirais, sur les bases en question, ils ont 96 heures de garde à vue, il y a 30 heures d'interrogatoire, donc c'est énorme. Et il y a tous les interrogatoires devant les juges. Les juges d'instruction, il y a 10, 12 parfois interrogatoires des prévenus sur leurs choses. Donc on a des heures et des heures et des heures d'entretien. Alors, qui sont évidemment au prisme de ce qu'est l'écrit dans l'interrogatoire. C'est-à-dire que l'écrit dans l'interrogatoire, c'est déjà un accord entre la subjectivité du juge et du prévenu. C'est déjà tout un travail sur la mise en forme de ça, mais auquel on a accès à énormément d'informations. Et c'est pour ça qu'un des éléments intéressants, c'est de voir dans la masse collectée de ces informations, des interrogatoires plus les éléments matériels qui sont fournis, au fond, ceux qui sont écartés, ceux qui sont retenus. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui fait sens? Et on se rend compte, en lisant plusieurs, que c'est un peu toujours la même chose qui fait sens. C'est ça qui est intéressant. C'est que précisément, on a, la plupart du temps, c'est le même type d'éléments qui sont retenus et le même type d'éléments qui sont oubliés ou écartés. Et ça nous dit donc sans doute quelque chose d'une pratique professionnelle. Et cette pratique professionnelle, elle a à voir évidemment avec les positions des gens qui l'occupent. Donc c'est ça qui est à mon avis, quelque chose d'intéressant, voilà, qui est pas, et qui va, je vous disais, et c'est pour ça que cet aspect est vraiment singulier, ça va au-delà de la question de la matérialité d'un certain nombre de faits. On va au-delà de ça. Marin le dit très bien, au fond on s'en fout des gens et saboter un fer à béton sur des caténaires. Ça pourrait être une dégradation pure et simple traitée par un tribunal ordinaire. Ça, non, on a une affaire qui est complètement différente parce que ça a des velléités de contestation d'un ordre d'État. Ça, c'est autre chose. Donc l'intention requalifie complètement. C'est même pire que l'intention, c'est l'identité. C'est l'identité. C'est dès lors que quelqu'un a des velléités révolutionnaires. Ça suffit. D'où d'ailleurs les délires, enfin, les dérives sur Tarnac, où à la fin, écrire un livre, la situation qui vient, devient la matérialité des faits. Alors, vous avez écrit un livre sur Versy, c'est donc bien que... Bon, là, on n'a vraiment pas grand-chose d'autre. Mais on le voit sur les gamins de Syrie, c'est vous êtes vraiment allé faire le djihad, ouais, vous aimez bien. Non, mais si. Bon, mais c'est bon, ça suffit. Ça vient de passer. Je peux me permettre de... Mais il y a quand même, là, il y a une incommensurabilité qui est complète, c'est justement, c'est une intention de subversion de l'ordre social. C'est ça. Alors que les gens étudiés par Ginsburg, ils n'ont aucune... Et le tribunal inquisitorial n'est pas là pour trouver des subversions de l'ordre social, même de l'ordre religieux. C'est le contenu de la doctrine qui en lui-même est subversif. Par vous, comme tu le dis très bien, au fond, le contenu de la doctrine, les renseignements généraux, l'antiterrorisme, ils s'en fichent. Et de ce point de vue-là, il me semble que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien ou qu'il ne faut pas le faire, mais qu'en gros, l'élimination de l'apparition de l'État comme quelque chose, alors ça, c'est justement, ça se rapproche de ce qu'on dit sur les enquêtes, c'est le truc de Boltanski sur énigmes et complots. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait d'avoir au 19e siècle l'apparition de quelque chose, d'un appareil, qui dit ce qu'il en est, ce qui est, et qui va donner du sens à l'ensemble de la réalité dans laquelle on est, mais un sens très pratique, que ça, ça fait une rupture et qu'on n'est plus du tout dans l'inquisition des jugements de doctrine. On est dans la question de la défense de l'ordre social, qui, je pense, pose, de mon point de vue, une rupture historique complète, avec, en gros, l'apparition du capitalisme et de l'État, qui fait que on peut voir des proximités, mais qu'il faut s'interroger sur ce qui résiste au paradigme indiciaire. Je pense qu'il ne joue pas du tout pareil quant à l'État et avant que t'aies l'État. Oui, à ceci près que ce qui est intéressant dans le truc de Ginsburg, c'est qu'en fait, c'est les gens qui sont soupçonnés d'hérésie, ils ont tort quoi qu'il se passe. C'est-à-dire au fond, s'ils disent blanc, c'est qu'ils mentent, et s'ils disent noir, c'est qu'ils mentent, bon, ils ont tort. En matière d'antiterrorisme, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est, ah non, mais c'est pas vrai, bah si c'est vrai, ou il n'y a pas de hasard, ou il y a ce genre de choses. Et j'irai pas si vite en disant que l'hérésie, c'est juste la question de la doctrine. C'est, au fond, ce qui montre dans, notamment dans les sabbats, là, sur au fond, ce qui est condamné, c'est des pratiques qui sont, au fond, des pratiques qui achoppent avec l'ordre social qui, à l'époque, est largement défini par l'Église. Alors, à mon avis, c'est quand même ça. C'est ça qui... Sur les généralités, en tout cas, pour le coup, c'est des pratiques à qui on ne prête pas d'intention de subversion de l'ordre. Ce qui est vu comme interdit dans ces pratiques, c'est qu'elles font apparaître, c'est qu'elles mettent en jeu, qu'elles croient mettre en jeu, des rituels magiques, des réunions, mais c'est comment dire... Mais bon, après, c'est des discussions à continuer. Je pense que c'est compliqué de parler de subversion de l'ordre social avant et après l'apparition du capitalisme et de l'État, comme si finalement c'était la même chose que faisait l'Église, qui juge uniquement selon le droit canonique et de façon extraterritoriale au moment de l'Inquisition, et puis de la défense de l'État, la propriété, de l'ordre social. Si je peux dire un mot comme historienne, l'interprétation en général avant Ginsburg des historiens sur la sorcellerie, c'est que c'est une subversion de l'ordre social, c'est que c'est des gens à la marge, des veuves, des pauvres exclus du village, etc. Donc Ginsburg, il dit, moi j'ai cherché ça aussi, j'ai cherché un conflit social, j'ai trouvé autre chose, mais il ne dément pas non plus cette interprétation. Mais pardon, Rachel. Merci beaucoup pour cette intervention qui est un vrai plaisir pour un historien du droit qui n'a pas le droit de parler de l'actualité contemporaine, soit s'il bosse sur la médecine. Moi je trouve au contraire que le parallèle est vraiment flagrant et à plein titre. C'est que dans tout ce que vous avez dit, j'ai trouvé un exemple médiéval. C'est-à-dire que vous parliez de la mauvaise réputation fin 19e, c'est sur la fama qu'on se fonde pour trouver un foyer d'hérétique. Vous parliez de la distinction entre... Enfin, vous avez parlé de procédure extraordinaire, à un moment donné. La procédure inquisitoire mise en place début 13e, c'est une procédure extraordinaire. Alors, sachant que la procédure d'inquisition, ça va encore au-delà de l'extraordinaire, parce qu'on ne suit même plus vraiment le cadre procédural de cette procédure-là. Vous avez parlé de menace de l'étranger, dans l'hérésie, quand on qualifie l'hérésie manichéenne, on dit que ça vient de Perse, il y a tout un tas de mythologies autour de ça. Et puis, pour ce qui est de l'encadrement étatique, dès le début du XIIIe siècle, on a un encadrement administratif très très serré, avec des règles très marquées et définies. Et quand on dit, par exemple, qu'on va se passer de la confession parce que c'est pas utile et qu'on peut avoir un rapport direct à Dieu, ça veut dire qu'on va à l'encontre de tout le personnel ecclésiastique de l'époque, enfin qui existe à cette époque. Donc c'est une subversion. Et s'il n'y avait pas de subversion, il n'y aurait pas toute cette dimension du secret, de l'occulte, du caché, du dissimulé, que l'inquisiteur essaie désespérément de découvrir. Tant qu'on n'a pas l'aveu, l'administration de la preuve est inutile, parce qu'on aura beau avoir vu machin s'agenouiller, dire trois fois bénissez et compagnie, s'il ne l'avoue pas, on n'en saura jamais rien. Et puis, il y a aussi la dimension, dans ce que vous avez dit, de la rhétorique. C'est que vous parliez du fait que les accusés développaient une rhétorique très très maligne pour répondre à chaque situation. Vous avez appelé ça du complot, mais en fait, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans énormément d'actes médiévaux d'inquisition, où l'inquisiteur apprend à déjouer justement ces techniques de l'accusé pour contourner la question ou répondre à côté. Et je sais que dans le bouquin de Ginsburg, il y a aussi un passage sur la rhétorique de Minuccio. Voilà. Merci. Si tu veux réagir rapidement, parce qu'on touche à la fin, on est un peu dépassé. Bon, c'est bon. Non, mais je suis d'accord avec... Sur le droit du XIIIe siècle, je suis assez peu compétent. Bon, merci beaucoup à toutes et à tous pour d'avoir participé à cette séance. Et merci aux intervenants et à Déborah. Un petit rappel pour la prochaine séance. Donc, elle aura lieu le 15 février. Donc, pas loin d'ici, en salle Gogel, au 56 rue des Saint-Pères. Et donc, on aura l'occasion de discuter cette fois de culture des républicanismes. Donc, avec des interventions notamment de Jérémy Bartas et Marc Mélissa, Christophe Ramel et Yannick Boss. Donc, en espérant vous voir. 15 février. Et ce sera au même horaire 14. Ce sera rue des Saint-Pères. Voilà. C'est pas sur le site. Ça, c'est sur le site. Il faudra s'inscrire aussi. Et voilà. Pour celles et ceux qui veulent prendre un café ou un verre, c'est marrant. C'est ce que j'ai dit quand on n'avait pas de l'énergie.